détestes. Mais t'écoutes, tu entends, tu peux pas t'en empêcher. Tu les adores, tu ne peux pas arrêter. T'essaies de tout stopper. C'est dur, mais c'est plus fort que toi. Tu voudrais que ça se termine, mais t'es là. Toutes les nuits de minuit à 4h avec Mickaël sur Énergie. Bon allez, on est de retour, on est sur Énergie, minuit 23. On est au cœur d'une heure sans pub. On mettra la nuit sans pub dans une heure. Ah oui, bah qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On est au cœur d'une heure sans pub. On va déjà profiter de ça, ce sera déjà pas mal. Message qui est arrivé, je passe des nuits blanches tous les soirs en vous écoutant. C'est Jessica, salut Jess. Jus aussi sur le Twitter, c'est reparti avec Mickaël. J'ai attendu tout le week-end, c'est long deux jours. Eh bah oui, je te confirme Jus. Fracture du tibia en compétition de judo, c'est Maxime Dumont. T'as déjà eu des blessures Amina ou pas toi en faisant du sport ou autre? Oui, mais c'était pas non plus un truc genre BMX. Mais quand j'ai appris à faire du vélo, j'avais quelques problèmes d'apprentissage, on va dire. Ouais. Donc, j'ai appris à 9 ans. Des problèmes de motricité. Voilà. C'est ça? Non, mais c'est vrai, c'était une grande souffrance. Hein. Mais bon. Ah ouais. Et en fait, ma mère m'obligeait à apprendre sans les roulettes. Et je suis tombée, en fait, il y avait un trou, des mecs qui faisaient des travaux. Ouais. Je suis tombée dans le trou, j'ai bouffé de la terre, je me suis retrouvée avec une branche quasiment entre les dents. Mais c'était une catastrophe. Hein. J'ai eu peur, je suis dans le cul. Mais ça va pas ou quoi? Non, mais je pensais, j'ai eu peur. On sait jamais, c'est un accident. Attends, qui fait du vélo nu? Bah, tu peux le faire en petit du Solex, il est un Solex. Tu l'as jamais vu? C'est interdit. Quand je vais au Cap d'Agde, mais il en a rien à foutre, Tof. Il est à Aubervilliers, tu le vois, il est là, il se promène. T'as jamais vu? Non, heureusement. Bon, bah, c'est un cauchemar. Et non, et du coup, je suis tombée, je me suis fait vraiment, vraiment mal. J'avais une entorse et j'ai mangé de la terre, quoi. Bah, oh. Je connais le goût de la terre. Oh. Oui. C'est bon ou pas? Dégueulasse. Ah ouais, Tof, t'as déjà eu des accidents cons Ouais, je suis bah. Bon, remis ta naissance, hein, je veux dire. Bien sûr, non. Bien sûr. Oh, ça va, alors on peut plus rire. Ça se fait pas, on embrasse Marie si elle nous écoute. Évidemment, Marie, c'est la mère de Tof, bien entendu, évidemment d'ailleurs. Moi, j'accule mon poutou sur le cul de ta mère, fils de pute. Ma pauvre maman. Non, mais quoi, ça va. Alors on peut plus rire. Bon. Non, ça va, en plus, je tiens à signaler à Marie que c'est Tof qui a la machine avec les sons. Hein. Ah bah, bien sûr. Je tiens, parce qu'après, on va encore dire que c'est moi le méchant, etc. Je tiens à dire que tout ça est envoyé par lui-même. Bien sûr, bien dans sûr. Dans le seul but de nuire à mon image. Ah bah ouais. Voilà. Voilà. Il l'a préparé. La pute, moi. Arrête! T'es vraiment un chien, quoi, je crois. Ma pauvre. Amina, vrai ou faux que c'est lui qui a la machine? Mais c'est vrai. Mais Polo. Véridique, il a dit, il s'est juré. Il s'est juré de détruire ton image de John Thomas. C'est bien ça, ouais. C'est bas, l'espagnol au standard. Alias le ringard. Ah non, c'est nouveau ça. Alias le parasite. Alias. Il y avait quoi? À l'aise. Bien sûr. Vrai, je confirme. Eh ben, très bien. Et t'en as la pute, toi, qui vas faire ses courses en crampons, espèce de fils de pute. Elle s'épile comment, la chatte à ta mère? Voilà, maman, ça se fait pas. Bon, alors, du coup, les blessures? Moi, je suis passé au-dessus du vélo. Ah ouais, même le vélo voulait pas lui utiliser. En fait non, c'est mon voisin, il avait acheté un vélo où en fait tu freinais avec le rétropédalage. Ah oui. Et en fait du coup j'ai freiné qu'avec l'avant et je suis passé au-dessus du vélo et forcément et j'ai bouffé le bitume. Ah ça c'est le bitume. Elle ouais. C'était la terre. Et Polo? Non, si j'avais plein de petits graviers entre la lèvre et les dents. Il a fallu une semaine au dentiste pour enlever tous les petits bouts de gravier. Mais quelle horreur. Polo, t'as déjà eu toi? De quoi? Bah d'accident, de quoi, de pute. Est-ce que t'as déjà eu des putes? C'est pas le sujet. Des putes, mais il y en a partout dans la ville. Il y en a partout. Les femmes, non, mais t'as déjà eu un accident à la salope. C'est un cauchemar. Ah, mais lui, c'est dingue. Bon. Mais oui, au paintball, je me suis ouvert le crâne. Non, il a jamais eu d'accident. Il va pas nous raconter encore une fois cette histoire. Là. Je les connais par cœur. J'ai pris la planche de surf en pleine gueule. Là, j'ai pris le leash. J'ai failli m'étrangler avec le leash. Mais j'en ai eu plein, moi. Ouais, c'est vrai. Et combien d'agrafes au paintball déjà? 13 ou 14. Ah ouais, très bien. J'ai fait quoi? Je me suis pété je faisais des arts martiaux à l'époque. Et je me suis pété un truc, je savais même pas que ça existait. C'était l'apophyse latérale gauche. C'est un os en crochet, il s'est pété en deux. Mais t'as en faisant quoi? Je faisais des arts martiaux. Mais pourquoi tu fais pas des sports normaux que tu sais faire au lieu de faire toujours des sports improbables que tu ne sais pas faire? Je sais pas que je sais pas faire, bah c'est si, à force de faire. Mais tous les sports que tu nous as cités, il t'est arrivé malheur avec. Mais non, mais tous les. Mais tu peux. Mais tu peux être sûr que... Il aurait joué au tennis, ce serait déboîté l'épaule. Non, mais ça n'a rien à voir. Tous ces sports-là, tous les mecs ont eu des problèmes. Tu fais du judo, obligé, un jour tu te fais luxer. Le bras ou tu te fais étrangler. Non, mais je pose la question. Dans les pas. Mais non, mais je t'explique. Non, mais voilà. C'est un peu énervé quand même. Polo, jamais, voyons. Mais je suis pas énervé, j'explique un truc. Et en tu fait, fais de la boxe. Ce qui énerve, c'est voir la tête de Tof toujours. Mais là, et tu fais de la boxe, tu ressors sans blessure. Mais non, mais ça c'est normal, c'est un sport de combat. Pardon, c'est homophobe, faut pas dire ça, c'était une balle. Oui, voilà. Il faut pas dire ça. Oui. Voilà. Bon, attends, on va récupérer Jimmy. T'es toujours là, Jimmy? Ouais, je suis toujours là. Bon, très bien. Donc ça va, ta jambe cassée là, à cause du BMX, c'est réparé cette affaire? Ouais, ça fait plus d'un an déjà. Ah bon, bah très bien, parfait. Et donc là, maintenant, le MMA, c'est quoi? Tu t'es aussi pris une baston dans la tronche? Non, le MMA, ça va. Tu vois, c'est que. Je ne comprends pas ce que tu m'expliques. Tu quoi? Attends. En fait, tu vois, là maintenant, le MMA, c'est que pour les gens de plus de 16 ans, mais du coup, j'ai réussi à rentrer. Ouais. Et du coup, c'est super dur. Allô, tu dirais que c'est une secte, un truc, une organisation. Elle fait des faux papiers. C'est une organisation secrète. Le MMA, tu fais. Les mecs, ils te le font à ton niveau. C'est pas. Ah oui. Tu vas pas remonter dans l'octogone de l'UFC. Non, c'est pas des super coups de poing, mais. Des super coups de poing. Des fois, tu vois, les adultes contrôlent pas leur force. Du coup, je me suis appris des pêches. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, ça va, c'est que ça. Attends, bouge pas, il y a Alexandra avec nous. Salut Alex à Paris, comment ça va? Bonsoir, ça va, ça va? Bah oui, ça va bien, Alexandra, 35 ans à Paris. Qu'est-ce qui t'amène, Alexandra? Ah oui, toi, c'était aussi des accidents du haut sport? Ah ouais, moi je suis une victime en fait. Enfin, je suis pas une victime, mais bon, à chaque fois il m'arrive plein de trucs. J'ai fait du sport depuis des années et quand j'étais petite, j'ai commencé par une première entorse du genou au ski. Classique, le truc qui arrive à tout le monde. Après, je faisais du basket, voilà, je me suis un peu arrêtée au niveau du sport. Je faisais du ski tous les ans et 10 ans après, j'ai refait. Deuxième entorse du genou au ski encore, donc toujours le même genou, donc mais ça m'empêche pas de faire toujours du ski. Et j'ai dit bon bah le sport co j'arrête, voilà je fais une pause. Et 5 ans après je reprends du hand parce que j'avais envie de refaire du hand. Premier match, luxation de la rotule, arrachement des ligaments croisés. Ah ouais t'as pas rigolé. Ah ouais putain. Et donc voilà, j'ai ça propre. Mais nickel, tu veux pas te marier avec Polo? Vous auriez un abonnement à l'hosto. C'est ce que j'écoutais, c'était drôle. Ouais, bah ouais, c'est pas drôle. Mais tu fais. Mais non, mais attends, je comprends pas. Tu fais des trucs. C'est comme. Tu vois, c'est les grosses baltringues de la muscu, par exemple. Ils ont quasiment pas. Pas ça, c'est homophobe. Non, baltringue. Ah, pardon. C'est pas homophobe. C'est normal, les mecs, ils ont des blessures, mais c'est des blessures de baltringue. Tu vois, je veux dire. Tu fais du ping-pong, t'as. Allez. Faut y aller pour te blesser, tu vois. Si, tu peux grave te blesser. Je me suis fait hyper mal, moi, au ping-pong. Ouais, bah, c'est ce qu'on dit, ouais. Mais je te jure, c'est vrai. Mais en même temps, c'est parce qu'elle s'est pris la table en pleine tête. Donc, mais c'est vrai, voilà, c'est ça. C'est ça, en plus. Ouais, mais enfin, bon, il y a un moment, Amina, t'es sérieuse ou quoi? Tu, quand même, tu vas pas te taper avec ta tête contre le. Mais bien sûr que si. C'est un problème de taille, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Moi, je donne ma vie quand je joue. Donc, forcément, à un moment donné, j'ai voulu plonger pour faire un smash et ma tête a tapé sur le côté. Après, quand tu fais des trucs comme le ski, comme des trucs comme ça, forcément, tu te blesses. Cela dit, on rigole, Alexandra, mais les deux premières fois où j'ai fait du snow, je me suis fissuré la côte. Ah ouais. Ah bah, bon, depuis il a l'armure de Robocop. Hein. Ouais, et bah depuis j'ai l'armure, mais maintenant je tombe beaucoup moins souvent. Après, t'es obligé. Après, le ski nous dit, enfin ils disent qu'il faut de la préparation un peu, mais bon on y voit toute semaine, donc voilà, on est bien obligé de. Non mais de c'est sentir, peu, c'est pas, peu. Bah, mais bien sûr. Attends, Alex, bouge pas deux secondes. Jimmy reste avec nous. Dites-nous si vous avez déjà eu des accidents dus au sport, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait comme connerie surtout. 01 40 71 5000. On va sur les appels mal intentionnés avec Toff qui va se faire insulter, j'espère. Je pèse en brochette. Voilà. D'accord, ok. Bon, on fera ça dans un instant. Tiens, 01 40 71 5000. Vous appelez, vous passez en direct. Minuit 31. Telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, he gon' say, hey. Telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa. But she f*** me like she Haitian. Black but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape, she on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. Bonne soirée, c'est Mickaël, on est sur RG au cœur d'une heure sans pub, minuit 34. On va s'écouter le son de Kungs à suivre dans un instant. Et il y aura Jonas Blue. Et on va se faire aussi le chéri, je peux te faire cocu avec une PS4 à gagner. Si vous voulez piéger votre copain ou votre copine, et bah appelez-nous maintenant. 01 40 71 5000. Tu peux compter les moutons. 1, 2, 3. Mais ça ne marche pas toujours. Ou bien tu peux attendre que le sommeil arrive. Tu n'arrives pas à dormir. Parfois c'est long. Long. Très long. Mais c'est mieux de ne pas insister. Plutôt que de chercher le sommeil, écoute Mickaël sur Énergie. De minuit à 4h. Exactement, ouais. On est là toutes les nuits, minuit, 4h. Il y a Alexandra qu'on va récupérer dans un instant, qui a déjà eu des petits accidents, enfin beaucoup même, une liste de ouf, au niveau du sport. Donc du coup, si vous êtes déjà pété, on va prendre Luc et Delson dans un instant. Et puis en attendant, on se fait les appels mal intentionnés. Alors, je sais pas si vous avez vu le vice-président du Modem qui s'est fait prendre en pleine masturbation dans les rayons d'un magasin de bricolage. C'est ouf quand même, hein. La classe. Mais attends. C'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, le mec, il sait que c'est quand même un personnage public. Bah oui, qu'il y a des caméras là-dedans. Reconnaître. Bah oui, écoute, c'est bizarre. Donc, Tof, tu vas voir avec tes amis s'ils sont déjà branlés au supermarché. Bah oui, allons-y. T'es déjà branlé au supermarché ou pas? Non, jamais. Jamais, Amina. Mais ça va pas ou quoi? Bah quoi? Mais qui fait ça? Bah le vice-président. Oui, bah il y a que lui. C'est pas n'importe qui. Bah peut-être que non. Il y avait des pleins. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être pas que lui, contre toute attente d'ailleurs. Bon, donc du coup, on va vérifier ça grâce au numéro que vous envoyez. Continuez d'ailleurs, si vous avez des numéros de téléphone sympas de gens un peu nerveux, des amis ou des ennemis, votre patron par exemple, évidemment ça reste anonyme, donc vous pouvez balancer, pas de problème. On va envoyer ça sur le mail de Tof, c'est toph@energie.com. On l'appelle? Allons-y. Allez, premier de la soirée, c'est parti. Croisons les doigts que ce soit une bonne semaine qui s'annonce grâce à cet appel. Et ça démarre plutôt mal. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà masturbé dans un centre commercial. Va te faire enculer, toi, espèce de putain, t'es qui, toi? Tof, monsieur, je m'appelle Tof. Tof? Oui, c'est ça, c'est mon nom. Mais va te faire enculer, espèce de pute. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Enfin, ça n'a aucun rapport avec ma question. Mais ta gueule, Tof, de mon cul, oui. Non, de Paris, de Paris, monsieur. Mais ta gueule, espèce de bâtard. Je te connais, Tof de l'énergie. Non, pas du tout, monsieur. Pourquoi vous dites ça? Mais ferme ta gueule, Tof de l'énergie. Mais pas du tout, monsieur. Mais bien sûr, je te connais, espèce d'enculé. Je t'écoute à la radio. Ah oui, d'accord. Mais ça répond pas à ma question, ça me dit pas si... si... Mais ta sœur, gros bâtard. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans, ma sœur? Ah, il a raccroché. Putain, oui, c'est dommage. On est en pleine discussion, là, c'est dommage qu'il ait coupé court. On rappelle. Gros bâtard. En même temps, ça rend drôle. Bon alors. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, bâtard? Ben, on a été coupé, vous avez pas répondu à la question, vous m'avez pas dit si vous étiez. Mais je t'emmerde, grosse putain. En plus, ton numéro, il s'affiche. Donc, oui. Arrête de te faire passer pour qui je ne sais pas. Puisque de toute façon, Tof de l'énergie, espèce de bâtard, c'est numéro privé. Donc va te faire enculer, toi, je vais te retrouver, je vais te faire la misère, espèce de putain. D'accord. T'as compris? Oui, t'as j'ai compris. J'ai... Alors ferme ta gueule, je t'ai dit, bâtard. Oui, mais réponds à la question alors. Mais ta question, tu te la fous dans ton cul, grosse pute. Oh non, dites pas ça, monsieur, ça se fait pas. Mais le mec, comment il se prend pour une star, le bordel? Bah oui, monsieur, moi j'aimerais bien avoir une réponse. Ta gueule. Oh non. Non mais il s'est raccroché au nez lui-même, dis donc. Hein. Bah oui. Ah ouais, complètement, mec, il est un peu ouf. Bon, on le rappelle encore une fois, gros bâtard. On dirait Virginie Sacneuf avec un autre accent. Allez. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, mais vous avez toujours pas répondu à ma question. Mais va te faire enculer, toi, espèce de bâtard. Bah oui, d'accord, je veux bien, monsieur, mais au moins dites-moi si vous avez déjà essayé de vous masturber. T'es qui, toi? T'es qui? Tof, monsieur, je vous l'ai déjà dit. Tof, t'habites où, Tof? À Paris, monsieur. Paris où, Paris? Dans le 16e arrondissement. Mais t'es une grosse putain, Tof. Bah non, monsieur. T'es Tof de l'énergie, toi? Oui, c'est ça, monsieur. Mais écoute, je vais descendre au studio et je vais te défoncer ta race, espèce de bâtard. D'accord, mais avant ça. Oui. Va te faire enculer. Oui, d'accord, mais alors pour la masturbation en centre commercial. Ouais, bah, nouveau raccroché. Il veut que tu ailles te faire enculer, hein. Je pense que les choses sont claires. On va quand même le rappeler, hein. Bah oui. Mais toi, tu cherches quoi, toi? Bah, moi, je cherche à avoir une réponse, monsieur. Mais va te faire enculer, je t'ai dit, t'as pas compris? Bah, ta réponse, elle est là. Bah, non, ça n'a aucun rapport avec la question. Mais va te faire enculer, t'as compris? Bah, non, je comprends pas, monsieur. Pourquoi vous me dites ça alors que ça n'a aucun rapport avec la question? Mais écoute, toi, tu te fais passer pour Tof, mais tu ne l'es pas, tu vois? J'écoute tous les jours, tu te fais passer pour Tof. D'accord. Moi, je vais te retrouver, je vais te défoncer, espèce de bâtard, t'as compris? D'accord. Mais alors, vous voulez pas juste répondre à la question? Putain, tu usurpes l'identité de Tof. C'est scandaleux, ça. Alors là, scandale. On rappelle. En même temps, il écoute tous les jours sauf là. Hein. C'est une chance. On sera rendu compte, j'imagine. Déjà, avec une voix de merde comme ça, tu t'en rends compte tout de suite. Non, mais c'est vrai. Faut croire que non. Oui, bonjour, monsieur. Bon, c'est un petit joueur, il décroche plus. Oh, déjà. Il n'est pas disponible. Oh, allez, putain. Vas-y, c'est bon, on va pas laisser de message. Ah, tant pis. Bon, bah, tu gardes son numéro, on le rappelle à l'occasion. Bah oui. Eh bah, très bien, on fait ça. Et puis, on va s'écouter. De toute façon, je ne suis pas Tof. Bah, en plus, oui, c'est ça. Déjà, tu usurpes l'identité de Tof, donc déjà, ça ne se fait pas. C'est un fake. Ça, c'est exactement ça, c'est un fake, exactement. Ouais. Bon, on va récupérer aussi Jimmy, Alexandra, Luc, Nelson, Cyril, Clémence dans un instant au niveau des accidents que vous avez eu l'occasion de faire quand vous étiez au sport, par exemple. Mickaël et votre message au 612 et rejoignez-nous également sur Facebook, Twitter, Instagram. C'est sur MIKL officiel. On écoute Kungs. Maintenant, sur Énergie, passez une bonne nuit, il est minuit 40. Et en plus de ça, on est au cœur d'une heure sans pub. Et le chéri, je peux te faire cocu, va arriver dans quelques minutes sur Énergie. Minuit 43, on est sur Énergie au cœur d'une heure sans pub. Toutes les nuits jusqu'à 4h, c'est Mickaël sur Énergie. Mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël, officiel. D'ailleurs, il y a l'iPhone qui est à gagner aussi, l'iPhone SE sur le Facebook de l'émission. Si vous voulez tenter votre chance, venez faire un like sur la page. C'est sur Mickaël officiel, c'est un jeu gratuit. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et puis on tirera au sort l'un des commentaires. Ce sera jeudi soir pour gagner l'iPhone. Donc c'est sur Mickaël officiel. On va prendre Luc qui est avec nous maintenant. C'était là, Luc, de Longwy. Ouais, salut. Salut ouais, à toi, Luc. Ça va et toi? Ouais, ouais, bah ça va, tranquille. Bon, je suis content de vous. Eh bah écoute, bienvenue vous à toi, t'as bien fait nous appeler. Mes nuits jusque 3-4 heures du matin. Oh, c'est gentil, Luc. Eh bah, ça fait plaisir, merci beaucoup, Luc. Ouais. Tu roules avec quoi, toi? Camion, frigo, voiture, camionnette? Ouais, frigo. Ah, t'as un frigo, toi, t'as un bondre. Ah, frigo, non, ouais, ok. Bon, Luc, alors quoi, raconte-nous comme Alexandra et Jimmy, t'as déjà fait des mauvaises chutes en sport? Ouais, une chute, mais bon, je suis tombé en vélo en rentrant de l'apéro. Ah oui, bah t'es bourré quoi. Bah oui. Ouais, sur eux. Mais bon. Bah oui, t'étais bourré. Clavicule bourré. Cassé. Ouais. Et 3 mois d'arrêt. Voilà. 3 mois d'arrêt quand même, hein. Putain, c'est beaucoup, hein. Ouais. C'est bon. Et t'as eu quoi exactement? Tu dis t'as eu 3 mois d'arrêt à cause d'une chute, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, ma clavicule cassée. Ah, la clavicule pétée. C'est chaud, ouais, ça. Ouais, exact. Ah ouais. Il paraît que c'est hyper douloureux, la clavicule. Ah, ça fait mal. Eh bah, il paraît. Ouais. Mais non, parce que moi je me suis jamais pété à la clavicule, je me suis pété plein d'autres trucs, pas ça. Tu peux pas te faire opérer alors. Donc, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, t'es obligé de rester comme ça. Bah, c'est comme les côtes, il faut attendre qu'elles se soudent, quoi, y'a rien à faire. Hein. Voilà, tu dois attendre, exactement. Tu dois attendre, y'a rien à faire. Et ouais, putain, 3 mois c'est lourd. Hein. Ouais. Ouais, surtout pour rien, ça t'a donné une leçon, tu l'as plus refait derrière? Bah, l'apéro aussi, mais pas le vélo. Pas les deux en même temps. Oui, bah oui, c'est ça. Au lieu de continuer le vélo et de supprimer l'apéro, bah non. Ah bah tu non. Penses ouais, bon, je préfère rentrer bourré dans la voiture, je suis mieux protégé. Tu m'étonnes. Très bien. Et bah, merci Luc d'avoir appelé. C'est parfait. Ok, bah, et bonne soirée, les gars. Merci beaucoup. Tu rappelles quand tu veux. À bientôt, bonne route. Ciao. Allez, à toi, Luc. Ciao. Bye. Un truc à encore rajouter, Alexandra? Non, je voulais vous dire que je vous ai écouté depuis pas longtemps et que je trouvais ça super sympa, votre radio. T'as vu, c'est génial. C'est gentil, Alexandra. Mais bon, hein. Humblement. C'est gentil, Alexandra. Voilà. Et bah écoute, et quoi, tu fais quoi dans la vie pour nous écouter la nuit? Je travaille dans la restauration. Ah, mais où ça? Dans un côté obscur, en cuisine. Ah d'accord. C'est pas obscur, c'est une cuisine. Donc, ouais non mais d'accord. Enfin je veux dire, elle est pas en salle, elle côtoie pas le client quoi. C'est crevard. Ouais sinon voilà. on passe manger. C'est quoi? C'est un bon resto ou c'est un resto de merde? Non, je fais pas de pub, ouais. Ah non, mais c'est bien pour ça que je te demande si c'est un bon ou un mauvais resto. Très, très bon. Très bon. Très, très, très bon. D'accord, ok. Bon, et il y a quoi comme cuisine, à peu près? Comment? C'est quoi la cuisine? Gastronomique, 3 macarons Michelin. Très bien. Ah ouais, c'est parfait alors. Ah ouais, c'est pas un resto de merde, en effet, ouais. Bon, on vient. Ah ouais, ouais, ouais. Eh bah écoute, il y a du niveau, hein, il y a du niveau. Ah bah je vois ça, ouais. Eh bah on va venir et Toff s'engage à nous inviter. Oui, bah, non, pas et tu du sais quoi, tout. Alexandra, il t'invite également à venir manger avec nous. Eh bah il a réfléchi et non. J'ai pas le droit, moi. Ouais, d'accord. Oh, allez, vas-y, Toff, fais pas ton radin. Tu vas pas laisser Alexandra sur le trottoir. Ça dépend, Alexandra, combien mesure-t-on? Oh là là. Alexandra, combien mesures-tu? En mètres, oui, centimètres. Ça doute bien. 1,70. D'accord, combien pèses-tu? Oh non, ça en demande pas de ça. Ah si, si, si, si, si, c'est important. C'est pour payer la bouffe, Alex, invente n'importe quoi. Bah, je suis pas mon poids, désolé. Bon, bah tant pis, je t'invite pas. Oh bah, ouais, bah putain. Quel chantage! Mais lui, c'est un sac à merde! Ah, ça n'a rien à foutre, moi, c'est moi qui paye, ouais. C'est moi qui décide. Une horreur! C'est dingue! Ah, c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Hein. Bill Gates. Bah, ouais. Ah, écoute. Bon, Alexandra, enfin, en tout cas, merci d'avoir appelé. Ouais, de rien, c'était et je te sympa, fais des merci. Bisous et puis à bientôt alors. Salut! Ciao Alex, bye bye. Il y a Nelson également avec nous. Salut Nelson de Lyon, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Eh ben ça va plutôt pas mal. En plus on va se faire le chéri, je peux te faire cocu là, donc on va se mettre bien, j'espère qu'on va bien se marrer. PS4 a gagné au passage, si jamais vous voulez vous inscrire, 01 40 71 5000. Ou Mickaël espace cocu et votre numéro de téléphone. Bon alors vas-y Nelson, raconte-nous un petit peu. Tu nous appelles par rapport aux accidents bêtes. Accidents, là. Ouais voilà c'est ça ouais. Raconte. Bah enfin non, plus aux accidents de sport en fait. Parce qu'avant j'étais en sport études judo. Ouais. Et je me suis déboîté, fracturé le coude et ils m'ont opéré 5 fois. Oh là là, mais t'as fait quoi? Bah en fait, je suis mal retombé et du coup, bah mon coude il est parti à l'envers. Ah oui, c'est. Mais Toff aussi, il a eu un problème de coude, non? Oui, on a coupé mon micro, je suis volu. Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai coupé parce qu'il y a l'autre. Il y a qui hurle, donc du coup, pour éviter de polluer l'antenne. J'ai remarqué ça aussi. Bon, tu parles tous les soirs, hein, t'as pas ton cinéma. Et oui, donc en fait, ouais, si moi je suis tombé et donc ils m'ont mis une broche et depuis, bah, je peux plus toucher mon épaule. Ah oui, c'est vrai qu'il arrive pas à toucher son épaule, le pauvre. Oh, regarde Amina, elle a de la peine pour toi. Oui, c'est triste. Elle va coucher avec toi ce soir. Non, quand même pas. Si tu pousses, normalement, ça remarche. Non, ça ira. Ah, mais pousse un peu, Amina. Je vais rien pousser. Vas-y, pousse. Non, ça va. C'est gentil. Oh, t'es vraiment... Bon, et donc, Nelson, raconte alors l'accident. Et ouais, du coup, ouais, je me suis... Bah, du coup, je faisais une compète de judo, là. J'étais en finale et du coup, Balguier m'a mis une boîte, je suis mal retombé. Ouais. Et du coup, ils m'ont opéré 5 fois, en fait. C'est la première fois, ils m'ont opéré et les broches, elles ont bougé. Et comme quand ils m'ont réopéré, en fait, ils m'ont suturé le nerf avec le nerf du coude. Et alors ça tient? Et bah non, mais en fait, j'avais plus de sensibilité dans la main. Ouais. Et ma main, elle commençait à s'atrophier, en fait. Oh, les bâtards. Ah ouais. Putain. Et du coup, bah, j'ai été obligé de me réopérer et tout. Bah là, ça va, t'as récupéré 100% ou pas? Bah, mon coude, tu peux pas le déplier vraiment à 100%, mais. Putain, t'as le problème inverse de Sweetoff. Ouais. Lui, il peut pas le plier à 100%. Non, moi c'est le déplié. Ouais, je sais. Aussi, ouais. Mais ouais. Non, ouais. Et bah, j'ai eu les épaules aussi. Et qui t'a eu aux épaules? Bah, elle se déboîtait, pareil, à cause du judo. Oh là là. À cause des clés de bras. Il y a un moment, faut arrêter avec ça. Ah bah, du coup, oui. J'ai arrêté maintenant. Ah bah là, tu peux plus, tu m'étonnes. Oh la vache. Et c'est pas au standard, on lui a pas demandé, tiens. Ah, c'est mon cerveau, il est déboîté là en ce moment. Ils essaient de remettre en place. Accident de sport ou pas? Non, accident de sport, ouais, à part au foot, des trous dans la tête, là, de temps en temps. Des trous dans la tête, c'est-à-dire. Normal, quoi. Ah, les trucs logiques quand tu vas au duel de la tête et que tu prends le travail. Voilà. Ouais, à l'aise, quoi. À l'aise. Ouais, à l'aise. Non, ouais, la muscu, les trucs de PD, comme il est. Non, c'est de batrain, comme il a dit Polo là tout à l'heure, c'est tout. Ah, ouais, d'accord, ok. Donc, très bien, c'est tout. Bon, bah, je suis déçu. Ça, j'ai eu ma fracture, tu sais bien, au bras, là. Ouais, mais c'est pas en sport. Non, c'est pas en sport. Bah, alors, t'as rien demandé, alors. Il voulait en parler, écoute. Oui, il voulait se la ramener parce que c'est là qu'on voit la cicatrice, alors il se la ramène. Ah, c'est sa blessure de guerre, hein, attention. Bon, Nelson, merci d'avoir appelé en tout cas. Tu rappelles quand tu veux. Bah merci, toi aussi. Avec plaisir. Salut à toi, à bientôt, Nelson. Allez, à la prochaine. Ciao. Salut. À toi. Il y aura Cyril de Béziers, Clémence également dans un instant à Vitré. Salut Clémence. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, on va parler. Depuis tout à l'heure. De quoi, Clémence? Il dit, j'écoute tout depuis tout à l'heure. Ah bah, moi, je te remercie. Par rapport à la première histoire. Eh bah, écoute, on va en parler. On va se faire le chéri, je peux te faire cocu le son de Gnash et je te reprends après, d'accord? Ok. Ne bouge pas de la Clémence. Gnash comme promis, on s'écoute ça tout de suite. Et on revient juste après. On est en direct, il est 00h50. On est au cœur d'une heure sans pub. C'est Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits à partir de minuit, on est là en direct. 01 40 71 5000. Il y a Seb de la Sécu qui. Coucou les amis, quelle joie de vous retrouver. Et coup de pelle au crevard de Toff. Avec plaisir. Jeanne-Françoise qui dit je confirme, Toff est une grosse putain. Rapport aux appels mal intentionnés de tout à l'heure. Merci. La Fréterie Alba qui dit j'adore lui avec son accent, c'est un ouf. Et Jus qui dit toujours des fous rires avec vous, c'est gentil Jus. Et Fabrice aussi. La meilleure façon de ne pas se blesser au sport, c'est de faire comme moi, fuir le sport et rester dans son canap. Ouais, mais par contre, on grossit un peu, hein, cela dit au passage. Hein. C'est pas grave. Ouais, vite fait quoi. Ouais, mais on est bien avec un peu de bine. C'est vrai. Bon, on peut voir ça comme ça aussi. Allez, Mickaël sur l'énergie avec le son de Gnash. Et le chéri, je peux te faire cocu, ce sera avec Salem juste après. Feeling used, but I'm still missing you. And I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips. And now all this time is passing by. But I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you. Realize how much I need you. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this real out, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. Just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings. When love and trust are gone, I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She is the only thing you ever see. How is it you slowly killing me? I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. Bonne soirée tout le monde, minuit 55 au cœur du Nord sans pub. Will Deal qui dit moi première heure en overboard et poignée cassée. Ah oui, ça sert vraiment pas de bol ça. Continuez avec vos hashtags et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Exactement, ouais. 40 71 5000. Allez, appelez-nous, vous passez en direct à l'antenne. Il n'y a aucun problème, comme Jimmy et Clémence qu'on va récupérer dans un instant. Et puis on va se faire maintenant le Chérie, je peux te faire cocu. Eh oui, Chérie, je peux te faire cocu. Avec Salem qui est avec nous. Salut Salem. Salam alaikum. Salam alaikum. Enfin bref. Bon, je suis habitué maintenant. Oh bah ça va alors, t'es habitué aux vannes de merde? Ouais, oui. Ah bon? Ah, eh bah écoute, oui. Tu vois. Avec un prénom comme ça. Ouais, non, bon, ça va encore, Salem. Il y avait un chat dans une série qui s'appelait Salem. Oui, dans Sabrina l'apprenti sorcière. Ouais, exactement. C'est génial. Exactement, putain, c'est oui, mais c'est par rapport aux sorcières de Salem. Oui. Ouais, non, bah, d'accord, mais le chat s'appelait Salem ouais, quand ouais, même. C'est ça, ouais. Donc, un chat noir d'ailleurs. Et si mes souvenirs sont bons, sa maîtresse était plutôt bonne. Oui, bah c'est la blonde, la Sabrina. Ouais, voilà. Avec ouais. Des pouvoirs et tout. C'est bon là. Qu'est-ce qu'il y a? L'autre, pour une fois qu'on parle d'une vraie série, d'habitude, on nous casse les couilles avec sa maison dans la prairie là. Ça, c'est de la vraie série. Avec Charlene Gals et Laura qui sont là. Oh là là, je te jure. Bon, bref. Salem, on va sur le chéri, je peux te faire cocu maintenant? Ouais, vas-y, c'est bon. Le principe. Bah oui, je sais bien que ça va. Ouais, vas-y, si tu veux. Ouais. Je sais bien qu'on va le faire. Bon, alors, du coup, on va appeler ta meuf, j'imagine. Hein. Ouais. Très bien. Qui s'appelle comment? Manon. Elle s'appelle Manon, d'accord, ok. Voilà. Très bien. Est-ce que alors Mila a décidé d'enlever son casque, elle fait le ménage. Bah oui, elle se dit non, mais c'est pas tu important jouer, ce qu'il dit ça. Il faut que t'écoutes. Écoute, il y a un problème technique. Quelqu'un m'a saboté. Mais oui, bah voilà, bah ça doit être Seba au standard qui l'a saboté. Hein. Comme d'hab. Allez, t'inquiète, allez, je vais pisser dans le casque. Tu vas voir, ça va être à l'aise. Bah ouais. D'ailleurs, on peut faire un petit test là. Ça va, Seba au standard? À l'aise. Et bah, il est pas là. Bah non, il est pas là. Bah c'est normal. Il a certainement mieux à faire. Bah oui, tu vois. Bah attends, mieux. Évidemment. Bon, Salem, donc elle s'appelle Malon. T'es avec elle depuis combien de temps? Ça va faire 7 mois. Ouais, 7 mois. D'accord. Okay. T'as intérêt à calculer parce que quand elle va se rendre compte que c'est une blague, si t'arrives pas à savoir depuis quand vous êtes ensemble, ça risque d'être encore un deuxième problème. Mais bon, celui-là, on l'assumera pas en revanche. Bon, et quel âge est là, Manon? Elle a 23 ans. Ok, elle fait quoi dans la vie? Pour l'instant, rien. Elle va rentrer en BTS en alternance à la rentrée, le 26 septembre, à Marseille. BTS alternance. Ouais, BTS MUC. Ok, MUC. D'accord, très bien. NICU MUC. Oh, ah, management de commercial. Bon, ouais. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des trucs, qu'est-ce qui l'énerve globalement? Elle est assez vénère en général ou? Enfin, quand il s'agit de d'autres filles, ouais. Elle est jalouse, quoi. C'est normal, hein, toutes les filles comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, après tout, après, elles sont pas jalouses, hein, mais bon. Ok, elle est jalouse, donc toi, c'est Salem, du coup, t'as quel âge, toi? 23 ans, pareil aussi. Ah bah pareil, tu fais quoi dans la vie? Tu peux arrêter de bouger ce que tu... Ouais, parce que j'ai l'impression que t'es en train de marcher ou de respirer dans ton téléphone où il y a du vent, et du coup, ça fait... Ouais, il y a un peu de vent. Il fait que l'entendre en même temps. Ah d'accord, mais tu peux pas te mettre à un autre endroit où il y a un peu moins de vent? Dans la voiture ou dans un... ou à l'intérieur, quelque chose? C'est bon. Là, on t'entend plus du tout, là. On n'entend plus le vent, ça. Mais c'est bien. C'est le côté positif de la chose. Ah, là, le vent est revenu. Là, le vent est revenu, mais enfin, bon, écoute, on t'entend, c'est le principal. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu fais quoi, toi, dans la vie, alors? Ben là, je suis en CDD, je travaille pour mon père, je livre des pharmacies, donc des médicaments. Livreur. Et voilà, et là, à la rentrée, je rentre en école d'ingénieur informatique, pareil, sur Marseille. Ah ouais, ingénieur, carrément. Ouais, mais ça n'a pas de valeur sur Marseille. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, Amina, arrête de critiquer Marseille c'est ça, comme ça. Ça se fait pas, ça se fait pas. Scandale. Une belle ville. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que tu vas lui faire croire, alors, du coup? Enfin, le principe, c'est simple, hein, c'est le chéri, je peux te faire cocu. Tu vas lui faire croire, donc, que t'as quelqu'un qui est venu, une meuf qui est venue te proposer de coucher avec toi un soir. Et comme t'es pas un salaud, tu lui demandes l'autorisation avant de coucher avec elle. Ouais. Y a quelqu'un qu'elle n'aime pas, tu me Seba qui m'a dit qu'apparemment, à l'époque où il travaillait, hein. Ah oui. Que tu voulais faire croire que Amina était ton ex, c'est ça, et qu'elle voulait te recoucher avec toi un soir. Ouais, voilà, voilà. Comment elle s'appelle, l'ex? Laurie. Laurie. Et pourquoi l'ex en particulier? Parce que en fait, je suis resté 3 ans avec elle. Ouais. Et maintenant, en fait, j'ai rencontré au taf qu'on avait ensemble. D'accord. Et en fait, on s'est mis ensemble au bout de même pas un mois et demi. Du coup, j'ai lâché l'autre et en fait, l'autre, elle est revenue, elle a fait plein d'histoires. Enfin, non, mais elle la connaît un petit peu ou pas du tout? Elle lui a déjà parlé? Rien du tout? Non, non, pas du tout. Non, bon, ok, d'accord. Et à quoi elle ressemble, ta meuf? Ben, elle fait 1m70, 75 à peu près. Elle 70, est brune. 70, 75. Non, la marge est quand même pas mal. Ouais. Elle est brune, ouais, ouais, d'accord, ok. Très bien. Elle a des gros seins ou des petits seins? Moyen. Moyen. Moyen. Et l'ex, ouais, elle avait des gros seins ou des petits seins? Moyen aussi. Moyen aussi. Ouais, il fait dans elle, en même temps, elle l'a pas vu. Elle l'a pas vu, donc on peut lui dire n'importe quoi, ça. Oui, oui, elle a pas vu physiquement. Bon, bah très bien. Bon, Amina, t'auras une grosse paire de nibards, hein, pour la faire râler, évidemment. Bien sûr, tu es blonde, hein, Amina. Hein. Bah oui, tant qu'à faire. Voilà, blonde. Donc comment elle s'appelle, l'ex, encore? Laurie. Laurie. Ouais. Un bon prénom de... Oh, non. Salope. Wow, merci toi. Ah, c'est pas vrai. Non, Laurie, c'est grave. Salope. Mais non. De cochonne éventuellement, mais Laurie, pas de salope. Ça mais se fait même pas. Non, mais même, je dis ça pour rire. Bon, donc Laurie, blonde, père de Nibar, la moyenne, quoi. Voilà, on va dire que donc moyen, c'est bon, moyen plus. Et donc elle t'aurait rappelé. Et donc là, t'es chez elle. C'est plausible? Chez elle, non. Ah bon, pourquoi? On va pas. La cave, c'est plausible? L'hôtel, oui, si tu veux, l'hôtel, très bien. Il y a un hôtel un peu luxueux tout près de chez toi? Il faut demander à Tov, c'est lui qui a parcouru Hôtel Adonis. Hôtel de Nice? Hôtel Adonis. Adonis, d'accord, ok. C'est un bon. Grec. C'est à combien d'étoiles à peu près? Il me semble que c'est un 3 étoiles. Ah, il n'y a pas un 5? Ah, bah oui, quand même. Non, parce que. Non, mais parce, ah, que, parce que. Tu m'emmènes pas n'importe où. Mais non, mais parce que. Aussi, c'est quoi? Il y a l'hôtel d'Europe, mais bon, c'est ça. Non, on s'en branle, c'est pas grave. C'est pas toi qui payes, Samina. Ouais, ouais, c'est ça. C'est hôtel quoi, tu m'as dit? Hôtel d'Europe. Hôtel Europe. D'accord. Ouais, l'hôtel de l'Europe. L'hôtel Europe, d'accord, ok, très bien, parfait. Et ça, c'est un 4-5 étoiles? C'est un 5 étoiles. Hein. Ça, bah parfait, bah voilà, là on est bien. Voilà. On va se mettre dans un 3 étoiles, voyons. Même pour le jeu, il faut pas déconner, quoi. Bon, ok, alors Salem, on a tout mis en place. Amina va se mettre dans la peau d'une blonde. Voilà. Et puis on va se faire le jeu, on se met un son, on l'appelle après, d'accord? C'est bon, parfait. Eh ben parfait, bah bouge pas de là, on va s'écouter le son de Jonas Blue maintenant, je l'ai promis tout à l'heure, il est 1h02. Chérie, je peux te faire cocu, arrive après ça. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold. sur LRG. Allez chérie, je peux te faire cocu avec Salem. Et si on se faisait ça maintenant, tiens, c'est parti. Parce que dans la vie, tu peux tout rater. Ta journée, ton dîner, ton mariage, tes examens, tes vacances. Tu peux tout rater, vraiment tout. L'erreur est humaine. Mais il y a une chose que tu ne peux pas rater. Ta nuit. Ta nuit. Si tu veux la réussir, une seule solution. Mickaël, Toff, Polo et Amina sont là de minuit à 4h sur LRG. Exact, allez, c'est parti avec le chéri, je peux te faire cocu maintenant. Toujours là, Salem? Ouais, toujours là. Ouais. Parfait. Allez, hop, c'est parti pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le chéri, je peux te faire cocu, tu vas piéger Manon qui est ta meuf depuis 7 mois. Elle a 23 ans, pour l'instant, elle ne fait rien. Enfin, elle va reprendre des études BTS en alternance. Elle est plutôt jalouse, elle fait 1m70, elle est brune. Elle a une paire de seins moyenne, c'est ce que t'as dit. Elle va être contente quand elle va entendre le podcast. Hein. Ah, j'ai une paire de seins moyens. Eh ben, très bien. Eh ben, tu pourras plus y toucher pendant un bout de temps. Je te dis ça, je te dis rien. Toi, c'est Salem, 23 ans aussi. T'es un livreur pharmaceutique, tu vas reprendre des études d'ingénieur. Tu veux faire croire donc dans le chéri, je peux te faire cocu. Bon, d'habitude, c'est Amina joue le rôle de Micheline. Mais enfin bon, on peut faire une parenthèse étant donné qu'Amina vient d'arriver. Voilà, c'est le début. Elle va se faire passer pour une ex à toi qui s'appelle Laurie. On va dire qu'elle est blonde, hein, parce qu'en général, j'imagine qu'elle aime pas les blondes en tant que bonne brune. Hein. Ouais. J'imagine. Et donc, bah, en gros, vous êtes à l'hôtel Europe, donc c'est un hôtel 5 étoiles. Et donc, bah, elle t'a proposé, pour en mémoire du bon vieux temps, de recoucher avec toi un seul soir. Et bah, du coup, toi, tu, comme t'es pas un salaud, tu lui demandes l'autorisation, quoi. Et tu lui dis bien évidemment que ça ne change rien à votre vie de couple. Hein. Après, tu reviens à la maison et tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Voilà, à aucun moment tu lui dis que c'est fini entre vous, ni quoi que ce soit clair, hein, d'accord. Non, c'est juste de l'hygiène, c'est un bourrage, bourrage, on part. Voilà, c'est ça, on rentre et on sort, va et vient, quoi, d'accord. Ah, c'est pour la ramonage, c'est pas pour l'entretien. Bon, on y va, Salem. On y va, on l'appelle maintenant, et donc n'oublie pas. Donc Amina, bah, c'est Laurie, justement. Voilà. Et moi, je serai Michel, le qu'est-ce qu'on peut dire? Tu peux être le nouveau mec de Laurie, hein? Non, il travaille pas dans l'hôtel, genre, et tu viens participer? Ah bah oui! Avec le majordome Christophe? Si, je suis à l'accueil avec mon majordome. Ouais. Mais voilà. Je suis le voisin! Ou sinon, t'es le room service? Ouais, le room service. Tu viens de commander du champagne? Non, c'est top, le room service. C'est le meilleur. Et il est ceinture. Oui, bonjour, monsieur. Oui, vous avez commandé du champagne? J'adore. Vous verrez, pour ceux qui connaissent pas, il y aura le majordome. Al Pacino, c'est le spécialiste du théâtre, tu vois. Oui, oui. Et des rôles de gangsters, Toff, c'est le majordome. Voilà, c'est le majordome. Et moi, je serai, bah, je sais pas, on verra bien le nouveau mec, ouais, je sais pas. On verra. J'improviserai un moment ou un autre. C'est ça le talent. Lui, il improvise. Tu vois, voilà, c'est ça. Allez, rôle. On y va, c'est parti. Je ferai la table. Bonne chance, Salem, nous, on est pas loin. Et Polo sera à la table. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est, bon. C'est mon meilleur rôle, vous allez voir. J'excelle. Voilà, on a tout coupé, ils peuvent plus nous entendre. C'est parfait. Allô? Allô? Oui? Hey bébé, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va, impeccable. Tu fais quoi là? Ça a l'air d'être impeccable. Pourquoi tu m'as fallu avec un numéro bizarre? Oh, ça faisait longtemps, tiens. Pourquoi tu as un numéro bizarre? Ouais, parce que c'est mon téléphone. C'est comment vendre ta voiture. J'avais pas envie que les gens aient mon numéro à chaque fois. Ah, d'accord. Oh, le bel enfumeur. Ouais. Tu fais quoi là? Bravo, alors là. Rien, je suis chez moi et toi? Tu vois, sans aucune hésitation, rien. Mais Bah, je suis quelque part là en fait. Je suis quelque part là. En fait, je t'appelais pour te demander un truc, en fait. Ouais, je t'écoute. Tu te souviens de Laurie? Ouais. Ben, elle m'a rappelé tout à l'heure, là. Qu'est-ce qu'elle veut? Oula, tu vas prendre un ménage, j'annonce. Tant mieux. Tu sais, elle a demandé un peu de ménage. Vas-y, accouche. Bon, je joue bien le rôle de salope. Attends. Hein. Ah, elle m'a demandé un peu de mes nouvelles, si ça allait avec toi, tout ça, tout ça. Et je crois que c'est impeccable, on va vivre à Marseille et tout avec mon copine. Elle me dit, tant mieux et tout. Et elle m'a proposé, en fait, si elle voulait pas passer une soirée avec moi, c'est comme avant, quoi, tu sais, pour se rappeler les bons souvenirs, tu vois. Pardon. Et en fait, je t'appelais pour te demander si. C'était bon ou pas de ton côté? C'est juste comme ça, juste une soirée. Après, vu qu'on va habiter à Marseille ensemble. Mais t'as serré. C'est non. Salem? Non. Allô? C'est qui à côté de toi? Hein? C'est qui à côté de toi? J'ai pas d'attendre Milo. Hein. Attends. Oh, je te parle, vas-y, réponds. Réponds, je vais m'énerver. T'es téléphone avec qui? Nartos, tu. T'es où là? Copine, ah, bah, tu sais quoi, passe-la moi. Attends, allô? Attends. Allô? Ouais, salut? Ouais, salut, t'es qui? Bah, Laurie, il te l'a dit il y a deux secondes. Bah, va niquer ta mère. Oh là là, mais ça va pas? Mais toi, franchement, t'es avec lui, là? Bah, oui. T'es où? Bah, on est à l'hôtel. T'es Europe. Chez toi? Bah non, on est à l'hôtel. Ah, bah c'est bien, bah, je vais venir vous voir et je vais vous niquer votre mère à toi et à lui. Bah, c'est pas grave, on n'ouvrira pas la porte. Mais c'est t'attendras pas, et puis on ouvrira après. Va te faire foutre, va niquer ta mère, toi et toute ta famille, et repasse-moi mon mec. Mais pourquoi tu t'énerves? On t'appelle pour te demander autorisation. Gueule, il va pas te quitter. Ferme ta gueule, hein. Ferme ta gueule. Je parle pas avec toi, ferme ta gueule. Attends, on est restés 3 ans ensemble, déjà il m'a quitté pour toi, donc tu m'en dois une. Hein. J'en ai rien à foutre. Tu me passes mon mec et tu fermes ta gueule. Là, c'est juste la dernière. C'est juste pour boucler la boucle. Ferme ta gueule, je vais venir t'éclater. Et toi, tu peux la boucler aussi. De quoi? Ferme ta gueule, je vais venir t'éclater. Mais pourquoi alors, tu t'énerves, il va pas te quitter. Pourquoi elle s'énerve? Ouais, elle est en plomb, c'est une hystérique, je sais pas ce qu'elle a. Ah ouais, attends, il est relou, hein. Mais malade. On va dire que je suis un pote à toi qui est payé la chambre. Bah, alors pourquoi elle s'énerve? Je comprends pas là. Mais je sais pas. Ah bah ouais, tu te fais tourner parce que t'es une grosse pute. De quoi? Tu te fais tourner parce que t'es une grosse pute. Bah, peut-être que ton mec il aime bien les putes, j'ai pas rien moi. Quoi, elle t'a traité de pute? Elle ouais. Se calme Dis ta gueule. Vaut mieux qu'elle se calme un peu là. Ça c'est sûr. Bah, vu ma gueule en tout cas, ce soir il préfère voir ma gueule que la tienne. Écoute, tu vas niquer ta mère toi. Ton collègue et tu me repasses mon mec direct. Mais bon, ma mère, elle t'a rien fait, mon collègue, tu connais pas mon travail. J'en ai rien à foutre. Bon, hey, sinon passe-la moi, je peux la calmer direct. Vas-y, je te le passe. Je la calme direct. Vas-y. Calme-la, là, elle est pas au calme du tout, elle est pas très à l'aise. Ah bah, allô? Ouais, allô. Ouais, c'est Michel. Je suis un pote de Laurie en fait, c'est pour ça, c'est moi qui ai payé la chambre, tu vois, parce que elle m'a dit c'est les retrouvailles et tout avec un ami, machin. Donc, comme ils avaient pas trop les moyens, c'est moi qui ai loué la chambre, tu vois. Ouais, bah c'est bien, bah, nique ta mère. Bah dis donc, reste calme, pourquoi tu nerfes comme ça là? Parce que ça me gonfle, t'es sérieux là? Non mais ça va, mec, c'est que. Il est dans une chambre avec une meuf avec toi, t'as cru quoi? Non mais moi je vais partir, hein, t'inquiète pas, je les laisse à deux, hein. Moi on fait pas un truc à plusieurs. Ah bah oui. Attends, pas de ça entre nous, hein. Ouais, écoute, bon, vas-y. Enfin, bon, allez, je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Allez, tous niquer vos mères. Mais toi, non, mais bah, mec, non, on va pas le faire. Toi, mais pourquoi? Et la meuf aussi, je vais l'éclater. Allez, mais non, tu vas pas le faire. C'est parce que tu parles sur l'énervement là. Mais oui. Mais non, allô? Ah merde, elle est partie. Ah, effectivement, elle a l'air un peu tendue du cul. Un peu vulgaire quand même. Un tout petit peu. Attends, on va faire rentrer le majordome. Ah. Alors, attends, on va le rappeler. J'adore, c'est ma scène préférée. J'adore. Tu sais, je suis fan, moi, j'ai un peu de popcorn, s'il vous plaît. C'est amuse. Je lui parle au début. J'adore, écoutez ça, vous allez voir. Le talent. Allô? Allô? Bah, je comprends pas pourquoi t'as raccroché. Parce que tu me casses les couilles. Mais non, mais je comprends pas. Mais c'est bon, repasse-moi mon mec, c'est bon là. Mais je vais te le repasser, mais on peut pas faire connaissance là pendant que lui, justement, il est. Non, il est avec l'autre. T'as fait quoi? Moi, je suis quelqu'un de bien, je suis pas une grosse pute comme ta collègue. Hein. Bah, ça n'a rien à voir. Écoute, viens à l'hôtel, moi je peux prendre une deuxième chambre. Bah, et oui. Puis comme ça, on s'amuse tous ensemble, et puis voilà quoi. Je vais tous vous crever. Si je viens, je vous crève tous. Mais arrête. En plus, j'ai commandé un room service là, vas-y, viens. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Ils font H24. Ils font H24. J'en ai rien à foutre qu'ils font H24. Vas-y, va niquer ta mère. Ah bah ils sont là justement, tiens, le room service est là. Ah bah attends, je te le repasse. Je te repasse Salem ou je te repasse Laurie alors, Manon? Bah repasse-moi mon mec, t'es con quoi. Bon bah dis donc, tu as un peu de respect quand même, hein. Qu'est-ce que le respect? Bah dis donc, bon bah. C'est toi qui me parles de respect. Bon bah moi je vais ouvrir la porte, on va commander à bouffer là. Ouais bah bouffer, étrangle-toi avec. Oui, j'arrive. Oui, bah une seconde, j'arrive là, oh là là. Voilà. Ouais, vous direz. Le room service de merde là. Vous direz. Monsieur, vous irez au service technique que la porte grince. Bien, monsieur, bien. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Oui, le champagne, les capotes. Parfait. Voilà, le gâteau. Ah, les capotes en plus. Bah, voilà. C'est bien. Bon, merci, vous pouvez mettre ça sur le côté. Vous mettez ça sur le côté. Merci beaucoup. Hein. C'est vous qui signez. Oui, on va signer là. Ouais. Voilà. Bon, comme tu veux, tu me repasses mon mec parce que t'es en train de monter les nerfs. Pour votre service, monsieur. Merci, oui, au revoir. Et le pourboire. Voilà. Bon, c'est bon. Eh, le tout est là, hein. Ouais, j'en ai rien à foutre, passe-moi mon mec. Bah, je te l'ai repassé, tiens, je te le repasse. Salem, tiens, il y a ta meuf là, elle est un peu chiante, mais c'est bon, j'ai parlé un peu avec elle là, ça va, tout est passé. Elle a dit qu'elle était d'accord, elle va venir me rejoindre aussi dans la chambre d'à côté. D'accord. Mais on fait ça comme ça, vite fait quoi. Je suis d'accord, repasse-moi mon mec, ça va. Ouais, c'est vite fait, 5 minutes. Mais attends, ça va, tu vas le faire vite fait. Je vais t'éclater. Mais évidemment, oui, mais elle est super gentille. Bah, ouais, tu m'as dit que c'était une ouf, qu'elle allait s'énerver, tout ça. En fait, c'est un petit agneau. Tu me repasses mon mec là? Évidemment qu'elle est cool, bah, je te la repasse, tiens. Allô? Ouais, toi t'es une grosse merde, va niquer ta mère, va niquer tous tes morts, et casse-toi parce que je vais t'éclater toutes tes affaires. Ton écran plat là, tu rêves. Je vais le jeter, je vais l'éclater, tu le retrouveras plus jamais. Ta PS4, il va gagner la tout, ah, c'est mort. Bah voilà, c'est une PS4 pour la remplacer. Toi, va niquer ta mère, toi t'as Laurie, et j'espère qu'il te frappera le sida avec cette. Oh, oh non, pas ça, sans nous, nous. En plus, elle a pris des capotes exprès. Non, mais je crois. Non, tu dis ça sur le coup de l'énervement, hein. Ouais, bah, normal que tu sois énervé, t'as fait quoi toi? Bah, t'es énervé, je pense que ouais, tu t'énerves un petit peu trop, hein. Ouais, ah bah, normal. M'énerve pour rien. Au final, c'est pas si grave. Moi, je m'énerve pour rien. Ah, mais t'as serré. C'est une soirée. Dans 15 jours qu'on habite ensemble, tu peux aller te le foutre au cul parce que j'en ai rien à foutre, je partirai pas à Marseille avec toi. Ta grosse pute, je vais niquer sa mère. Tu pars pas à Marseille? C'est où Marseille? Ferme ta gueule, hein. Bah, tu m'as dit, je pars pas à Marseille. Ferme ta gueule, j'ai dit Marseille. Ah, t'as dit Marseille? Ah ouais, cette ville de merde là. La branlette, ça rend sourd, hein. Non, mais c'est parce que en fait, j'ai un filtre. Dès qu'on parle de Marseille, ça s'annule. Bah, c'est normal, Marseille, c'est que pour les grosses merdes comme Salem, tu vois. Ouais. Et puis, vu comme ça, t'as marqué un point. Ah bah, normal. Mais pourquoi tu viens pas à Paris? Je t'invite, Manon. Grosse pute, il marque rien. Manon, viens à Paris, je t'invite. Mais. J'en ai rien à foutre de ton Paris, moi je veux pas la Paris avec toi, quand t'as mais tu vas toi. Voir, c'est une vraie ville. Il n'y a pas de poubelle, tout est nickel. Hein. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Mais tu vas voir, tu vas rencontrer l'amour, pas cette merde de Salem là. Tu vas voir. Ben, ça, c'est sûr que cette merde elle peut aller se faire foutre. Hein. Là, moi je suis beau, grand, fort. Viens, allez, viens, on couche ensemble. Allez, viens, Manon. Eh, tu sais quoi pour. Parce que là il est parti avec Laurie là dans la chambre. Eh, pour l'énerver. Non mais. Eh, franchement, comme vengeance, tu couches avec moi, là il va être vénère. J'ai pas besoin de me venger. Si, il faut la vengeance. Il faut me venger, tu sais quoi? Non, il faut se venger, Foutre, mais non. Mais tu le penses pas avec moi. Bien sûr que si, mais non. Encore pire toi. Mais toi, non, tu le penses pas. De ta gueule, hein. Mais non. Tu crevais devant moi, j'en ai rien à foutre. C'est pas vrai, tu le penses pas. Mais bien sûr que si, mais qu'est-ce que tu veux? C'est bon, arrête de parler avec moi. Tu ressembles à quoi, Manon? C'est pas le numéro rose. C'est quoi ton tour de poitrine? Le même que ta mère. Vas-y, c'est bon, allez, lâche-moi. Ça va, alors c'est pas mal. Et t'es grande, t'es petite? Ah, t'es drôle. Non, je te demandais si t'étais grande ou t'étais petite. De ma gueule, allez, vas-y, c'est bon, repasse-moi mon mec là, que tu me casses les couilles. Mais si, parce qu'il m'a dit que t'étais plutôt bonasse, alors. Ah, c'est ça, très drôle, allez, vas-y, c'est bon, repasse-moi mon mec, tu me gaves là. Oh là là, mais quelle erreur. Eh, hey, Salem, c'est pas toi qui portes la culotte à la maison, hein. Ah, ben ça, c'est sûr que c'est pas lui. Ah non, c'est. Mais qu'est-ce que tu portes la culotte? À part niquer une grosse pute, tu sais rien faire de ta vie. C'est qu'une grosse merde. Ma foi, faut allez, s'en servir, non? C'est quoi? Salem, zappe-moi. Non, allez, Manon. Allez, Manon. Je vais retrouver mon ex, et comme ça, au moins, on sera réglé. Mais pourquoi tu vas retrouver ton ex? Viens avec moi. Bah, j'ai pas besoin de toi. Fais pas ta chiante. Bah, en même temps, tu traînes avec une grosse pute, je vais pas rester avec toi. Hein. T'as cru quoi? Quelle violence gratuite en plus, parce qu'elle la connaît même pas, Laurie. De Laurie comme amie. Mais tu la connais même pas, Laurie, Manon. J'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin de la connaître pour savoir que c'est une grosse pute. Allez, excuse-toi auprès de Laurie et je t'annonce une bonne nouvelle. Mais t'as cru, j'allais m'excuser, mais tu as serré. Allez, dis pardon. Allez, dis pardon à Laurie. Et je t'annonce une bonne nouvelle. De merde. Vas-y, excuse-toi. Non, j'ai pas de. Quelle bonne nouvelle, t'as quelle bonne nouvelle à m'annoncer? Dans 15 jours, j'ai perdu mon mec parce qu'il allait traîner avec une grosse pute avec toi à l'hôtel. Et c'est bon, allez. Oh, attention, hôtel 5 étoiles quand même. Ferme ta gueule, ouais, j'en ai rien à foutre, t'as le 5 étoiles, mets-les-toi au cul, c'est 5 étoiles de merde. Oh non. Toi, il fallait mettre l'autre pute. Oh non. Vous êtes tous des grosses merdes pour. Monsieur le majordome, elle a traité votre hôtel, hein. Ouais, c'est ben scandale. J'en ai rien à foutre, c'est il crève, il brûle, soir. Tout ce que tu veux. Bon, Manon, c'est Mickaël, t'es en direction énergie. C'était le chéri, je peux te faire cocu. La radio, la panthère. Que du bon son. Bah oui. Hit music only. Et oui, voilà. Manon. Ça, grosse blague. Mais non, c'était le chéri, je peux te faire cocu, c'est vrai. Mais oui. Regarde, oui, attends. Bah si. Oui, bah bien sûr. Bah oui. Mais oui, attends, regarde, je vais te mettre ta jingle. Attends, oui, faut que j'en trouve un. Foutez-vous de ma gueule, j'en ai rien à foutre. Allez, tu te faire foutre. Mais non, mais t'es à la radio, c'est une blague. C'est un jeu, hein. C'est pour rire. Écoute, regarde, t'es bien à la radio. Tu peux compter les moutons. Ouais, j'ai peut-être mis le jingle un peu le. Alors attends, je vais te mettre celui-là. Ouais. Voilà. Sur Énergie. Toutes les nuits de minuit. Alors tu vois, t'as la radio, Manon, là, tout va bien. Eh ben, c'est pas drôle votre blague. Oh si. Mais si. Eh, tu sais quoi, Manon, ce qu'on va faire. J'avais prévu d'offrir une PS4 à Salem, mais finalement j'ai entendu qu'il en avait déjà une, donc c'est con. Je vais pas offrir le cadeau à Salem, je vais te l'offrir à toi. Ah, c'est gentil. Voilà, parce que lui, c'est quand même un sale con, il t'a fait une vanne de merde. On lui a dit non, ouais, voilà. Ça se voulait pas. Exactement, on avait dit non, le fais pas, c'est pas bien, ça se fait pas, ta meuf est cool. Il a dit j'en ai rien à foutre, je vais la faire quand même. Tu vois, c'est vraiment un sale con, hein. Faut dire, non, faut dire les choses. Ça, c'est des mecs, des gens de Marseille. Ça, exactement. Donc, Manon, ce que je te propose, c'est de gagner le cadeau, mais pour toi, d'accord? Tu vas gérer ça avec Seba, bon, dès qu'il sort de retour. Il y a plein de cadeaux, il y a PS4, Xbox, il y a des bracelets Fitbit connectés pour le faire le sport, là, tu vois, les trucs, les infos, le sport, les calories, enfin bref, tu vas pouvoir tout suivre. Et puis, tu vas gérer ça avec lui. Salem, t'es vraiment un salaud, tu ça mérites pas rien. Pas un cadeau, que dalle. C'est pour rire. Mais non, attends, on va tout offrir à Manon. Manon, t'es d'accord avec nous? Il mérite rien. Ah, bien sûr. Il mérite rien du tout. Voilà. Et tu sais quoi en plus? Parce que comme t'es un salaud, Salem, plus de pipe pendant un mois. Ah ben, ça c'est certain. Voilà. Ah, hey, tu sais quoi? Plus, c'est moi qui régale 2 mois. Voilà. Ah, si. Alors là. Le mec il va être content d'avoir joué. Plus jamais je joue avec énergie, c'est des connards. Voilà, ben t'as bien raison. Attends, juste 2 secondes. Dis-moi. Juste savoir si elle a pas touché à ma PS4 ou mon écran plat. Ah, mais ta PS4, c'est trop tard, hein. Ah, c'est dommage, ça. Quoi? T'as pris quoi? Elle est au milieu de la rue là. Quand je disais que c'est pas Salem qui portait la culotte, on voit bien que c'est Manon qui gère le bordel. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est une meuf comme ça que. C'est une meuf comme ça qu'on devrait voir. Tu sais qui? Quelqu'un rigole. Tu fais une blague. Non, je rigole pas. Je peux pas casser. Merde. Bah non, je rigole pas. Non, t'as pété l'écran. Non, mais Manon, t'aurais entendu quand même me porter l'écran plat, ça pèse pas 2 kilos. Ah non, mais j'ai pas eu besoin de ça, hein. Un petit coup de tournevis et ça y est, c'est fini. Oh, putain. Ah ouais. Bon, on va vous laisser, hein. Bon, on va vous laisser en. Vous avez des trucs à vous dire, je crois. Voilà, on va vous laisser en tout antenne. Tout est bien qui se finit mal. Bon, Salem et Manon, merci d'avoir joué avec nous. Une bonne soirée. Ouais. Et puis tu restes au standard, on va prendre les coordonnées, d'accord? Seba va s'occuper de vous. Salut les gars, gros bisous Salem, gros bisous Manon. Allez, gros bisous. Bon, et si vous voulez faire aussi le jeu avec nous, le prochain, chérie, je peux te faire coquille, allez-y pour les inscriptions, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous vous inscrivez directement chez Seba au standard, qui bien sûr n'est pas là, donc Amina décrochera. Hein. Voilà. 01 40 71 5000. Allez, bougez pas, retour avec Clémence dans un instant, avec Jimmy également, avec le son de Zao. Et je vous mettrai aussi 21 Pilots. Et bon, celui-là. Allez, on va revenir en direct. Vous bougez pas, on se met la pub rapido. Les appels mal intentionnés reviennent. Et la nuit sans pub qui arrive juste après ça. Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. 01 40 71 5000. Tous les matins sur Énergie. À 7h05 et 8h05. Manu double votre salaire. Allô Mélissa? Oui. De Châtillon, la Palue dans l'Ain? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Oui. Chaque mois, tu touches 1194 euros. Oui. Eh ben, je vais le doubler, ce salaire. Ça va faire pour toi, écoute-moi bien, 2388 euros. Oh, bien, génial. Merci. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Salut, c'est Guillaume. Cet été, avant de partir en soirée, je propose un petit jeu. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera Sam, celui qui conduit et qui boit pas. Mais comme l'autre fois, c'était déjà toi et que t'as chopé toute la soirée, alors ce soir, Sam, ça sera moi. Ouais, parce que Sam le sauveur, c'est aussi Sam le tombeur. Alors, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Donc, pour éviter les embrouilles, désignez bien votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Énergie, it's music only avec Kinvé en concert. C'est Kinvé sur Énergie. Kinvé repart en tournée des élites partout en France dès octobre 2016. Infos et réservations, énergie.fr, nousproductions.com et points de vente habituels. Kinvé en concert. Dans un monde meilleur. Un événement énergie. Hit music only. Tous les jours, vous avez le sentiment que la rencontre qui changera votre vie n'arrivera jamais. Pour cesser de vous tourmenter, envoyez par SMS QUAND au 7212. QUAND, QUAND au 7212, c'est un service qui vous met en relation avec des professionnels confirmés de l'astrologie et de la voyance. Envoyez QUAND au 7212. Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions cruciales. QUAND au 7212. 65 centimes plus prix du SMS, Inergy. Nouvelle équipe. Nouveaux horaires. Nouveaux cadeaux. Nouveau studio.

vaut mieux rester dans le style de base. Non, il faut innover. Ouais, il faut tenter des trucs dans la vie. Bon, on continue à parler de chutes également. Là, si vous avez déjà fait des chutes à la con, vous êtes pété quelque chose éventuellement, appelez-nous au 01 40 71 5000. Il y a Clémence qui est avec nous maintenant. Salut Clémence. Salut. Comment ça va? Oh, ça va, ça va. Bon, bah, tant mieux. Alors, Clémence, 29 ans, t'appelles d'où, toi? De Bretagne, à Vitré. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que t'as fait comme accident à la con, toi? Ah, bah, c'était pas en sport, hein. C'était en sortant de soirée, un petit peu pareil que tout à l'heure, petit jeune homme qui s'est cassé la figure en vélo. Voilà, là, c'était un peu pareil. En fait. Ah, t'étais bourré, quoi? Un petit peu, oui. Ouais, t'étais bourré. Bah, la Bretagne boit beaucoup, hein, en règle générale. Hein. Oh, bah écoute, je n'irai pas jusque-là. C'est des clichés, c'est des clichés. Je suis pas sûr. À base de chouchen, hein. Ah, j'étais à Toulouse à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, et puis vas-y. Bah, voilà, bon, la soirée s'est très bien terminée. Je suis repartie en vélo. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'avais pris mon vélo. Mais voilà, donc j'ai voulu grimper dessus. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, bah non. J'ai et puis même ça pas s'est pas fini dans le meilleur des mondes. Je me suis rétamée de l'autre côté de mon vélo. En fait, j'ai grimpé d'un côté, je suis redescendue de l'autre. Oh la mais vache. J'avais pas vu qu'il y avait un trottoir. Alors je me suis pris le trottoir dans la mâchoire. Oh la vache. Et donc, arrivé aux urgences, juste pour voir ce qui n'allait pas, parce que je pensais que c'était un hématome. Et puis, non, en fait, je m'étais cassé la mandibule gauche, je ne savais pas ce que c'était qu'une mandibule. Ah oui, bah, c'est un truc qui fait très très mal, visiblement. Exactement. Quand tu te le pètes. Tu te rends compte, en fait, dans le pied, tout ça, t'as plein de muscles, d'os, tout le bordel, tu ne. J'imagine même pas leur existence. C'est vrai. Et au moment où vous vous êtes caché le mandibule, tu te dis que c'est que ce truc. Mais quand tu le sens, tu sais où il est après. Hein. Ah, tu l'as pas oublié. Oui, hein. Oui, oui. Autant en cours de bio, on te dit voilà, chercher les muscles, c'était le nom d'os. Tu vois, tu te souviens de rien, mais je peux te dire quand tu te le pètes, tu t'en souviens. Moralité, vaut peut-être mieux se casser tous les os afin de les retenir. Ah ben voilà, c'est ça. Voilà. Et après, tu pourras faire médecine. Moralité, j'ai perdu beaucoup de poids suite à ça, du coup, parce que c'est impossible de manger pendant 3 mois. Ah bah oui, forcément, ouais. Mais t'as perdu combien? Toutes les dents avec j'ai perdu une petite dizaine de kilos, je dirais. Déjà, j'étais pas bien grosse. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. T'avais besoin de les perdre ou pas? Donc, visiblement, non, quoi. Non, j'avais pas besoin. Non. D'accord. Oh là là là là là. Bon, bah écoute, Clémence, le principal, c'est que ce soit un souvenir rigolo aujourd'hui. Oui. Oui, aujourd'hui, hein. Sur le moment même, je pense que c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais chez le dentiste en marche arrière, j'y vais, mais ouais. Tu m'étonnes. Je le souhaite à personne, vraiment. Bah, s'il y a bien l'endroit où j'ai pas peur, moi, c'est chez le dentiste. Je n'ai aucun problème à aller chez le dentiste. Ouais, mais là, si tu perds toutes tes dents sur le trottoir, je pense que t'as un peu peur quand même. Ça m'est jamais arrivé, voilà. Mais. Non, mais c'est ça. Tu sais, les bouchons de liège, des bouteilles de cidre, t'as un espèce de truc en fer autour que tu détortilles, là. Tout à fait, ouais. C'est un petit peu pareil, ce qu'ils te mettent sur les dents. C'est, ils te les entortillent comme ça, ils te mettent des arcs de fer de partout. Ouais, j'aurais peut-être peur. Et après, ils te les enlevaient. En fait, ils te réveillent avec la mâchoire de fer, tout attaché, ça fait mal. Mais quand ils te les enlèvent, ils peuvent pas t'endormir une deuxième fois. Oh là là, ah oui, d'accord, ok. Tu vis tout. Écoute, au moins, tu sens que tu vis. Tu sens que les dents sont là. Et voilà, ta bouche est entière et c'est ça le principe. Voilà, faut voir le côté positif. Voilà, toujours. Voilà. Et dis-toi que ça peut être pire. Le positif, c'est que du coup, j'ai arrêté le vélo et que maintenant, voilà. Mais tu vois, au niveau de tes dents, tu te plains là, t'as eu mal, tout ça, je te crois. J'ai regardé Blacklist, un épisode tout à l'heure de Blacklist, et dans un épisode, il y a des mecs complètement barrés qui torturent d'autres personnes et en fait, ils leur mettent un truc qui date de je sais pas quand, enfin bref, dans la bouche, attaché, et en fait, il lui verse du plomb. Bouillant dans la bouche. Ah, mais c'est peut-être du Moyen-Âge, ça. Exactement, ouais. Ça fait cramer tout l'intérieur et t'avais des trous dans le ventre parce que tout était brûlé, l'intérieur, tout était brûlé partout. Ah, c'est sympa, donc finalement, tu te dis que c'était une petite problème de santé, Clémence, oui, toi. Oui, c'est rien, ça. Eh ben écoute, tu sais quoi, je vais refaire du vélo ce soir. Eh ben voilà, bonne idée. Mais bois un verre d'abord. Hein. Et Clémence, plutôt que d'arrêter le vélo, je pense que tu devrais arrêter de boire. Ouais. Mais c'est interdit en vrai, t'as pas le droit de conduire tout truc en étant alcoolisé. On peut même te supprimer ton permis de conduire de voiture avec ça. Oui, même en trottinette, en ce que tu veux. Tu étais bien éloigné de la ville. Je m'étais bien éloignée de la ville, je me suis dit, personne ne va me choper, finalement, j'aurais fait tout. C'est clair, Clémence. Bon, en tout cas, merci d'avoir appelé, je te fais des gros bisous. Oui, salut. Salut soirée, Clémence, merci. À bientôt, ciao à toi. Message qui est arrivé également, double fracture du ménisque, tacle assassin au foot, c'est Théo. Ah ouais, ça c'est violent. Hein. Tiens, en parlant de foot, faudrait quand même que je vous parle de cette affaire. On va à Madrid ce week-end. Non mais c'est vrai. On va avec Seba, dit l'Espagnol, dit tout le parasite, etc., etc. Qui nous a négocié des places? Je suis curieux de voir avec Polo comment ça va se passer cette affaire. Non, on va se retrouver. Vous allez bien. On va se retrouver devant Bin Espagnol. Est-ce que je peux couper les autres? Parce que sur les places, il y a écrit vomito. On est au vomito. Je pense qu'il y a un truc de chez à côté des chiottes où les gens. Mais c'est le vomito. Ils appellent ça comme ça. Les entrées, ils appellent ça les vomito. Oui, voilà. Et donc Amina connaît quelqu'un là-bas qui pouvait nous gérer un truc. On lui dit, tu peux nous gérer. Ouais, le mec, il a un truc au Real, machin. On dit, vas-y. Ouais, tu peux nous gérer une interview. Tu sais, on demandait pas grand-chose. Cristiano, oui, Benzema, Varane, Navas, quoi. Lyon, ouais. Et il nous propose quoi? L'équipe adverse. Et moi, oui, je peux avoir Torres de l'Atlético. On s'en branle de l'Atlético. C'est un peu comme si on allait voir. Non, c'est un exemple. Hein. C'est un peu comme si on dit ouais, on va voir le PSG. Tu peux pas nous avoir une petite interview comme ça? Bon, à l'époque avec Zlatan. Si, je peux t'avoir Mandanda si tu veux. Le gardien marseillais. Ouais, attends, mais on s'en branle. Mais ça n'a rien à voir. Écoute, moi j'y peux rien. J'essaie mais de trouver des connexions. Cristiano, Karim Benzema. Mais arrête, je Gareth Bale, je sais pas moi, quelque c'est chose. C'est pas Michto, tu sais ton boulot. C'est mon boulot. À la base, c'est un poste. Tu sais quoi? T'as une prime. Si t'arrives à ça, t'as une prime. Vas-y, combien? Deux places de ciné. Vas-y, ok. Et une compile énergie, rien à foutre, ici on est des ouf. C'est pas tes envois ce voilà. soir. Allez, et bah, dès ce soir, ils les envoient. Je les aurais jamais si c'est voilà. lui qui les envoie. Ouais, mais à ce moment, tu donnes des timbres. Hein. Mais faut pas qu'il ait payé de sa poche non plus. Hein. Pas déconner non plus. Hein. Tu mettras des timbres. Oui, évidemment. Alors, c'est le principal. Bon, 1h35, on se fait les appels mal intentionnés avec Tof dans un instant. Il va se faire insulter, en tout cas, on l'espère. Mais d'abord, un de mes sons préférés, en tout cas, un de mes groupes préférés, c'est 21 Pilots qu'on écoute sur énergie. I just wanna stay in the sun where I find. Sometimes pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I've been thinking too much. On est sur Énergie. Bonne nuit tout le monde. On est au cœur d'une heure sans pub. Ouais, j'avais dit la nuit sans pub, mais je me suis un peu emballé. Une heure sans pub, c'est pas mal déjà. C'est vrai. C'est déjà pas mal. On mettra la nuit sans pub après. Je sais, je vous l'avais déjà dit aussi avant, mais rassurez-vous, ça va venir. Mickaël sur Énergie. En live. De minuit à 4h toute la semaine. Mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L officiel. Exactement, venez nous rejoindre. Hein. M-I-K-L officiel. Il y a un message qui est arrivé. Moi, grosse chute en motocross il y a 15 jours, entorse du genou, deux doigts cassés. Oh là là là là. Et je suis quand même derrière le volant de mon frigo. C'est Petit Jo qui avait envoyé le message. Ah, ouais, et là, t'as les bâchés qui vont dire ah, c'est normal, un frigo, ça rend le douzol, faut personne pour rouler avec ça. La piste, etc. Je suis pas de route. Ouais, Dienster 654 sur le Twitter. Mickaël, ça m'énerve, je dois aller me coucher. Bon courage quand même, je peux même pas rester pour écouter Top se faire victimiser. Ah là là, désolé. T'as pu entendre déjà, c'est déjà pas mal. Sinon, c'est en podcast, hein, dès cette nuit, vous allez pouvoir, si le matin vous vous réveillez à 6h, hop là. Seba dit l'espagnol, dit à l'aise, dit le parasite au standard. Vous met tout ça à dispo en général aux alentours de 5h du matin, n'est-ce pas, Seba? Bah, je commence à diminuer le time là. Oh fou, là, pas ta vie, pardon, Apollo, pardon. Voilà. Mieux vaut dire 5h du mat, comme ça au moins il n'y a pas de déçu. Donc voilà, c'est sur energie.fr ou sur l'application Energie, c'est gratuit, vous pouvez la télécharger depuis Android, enfin depuis Google Play ou depuis l'Apple Store. Double fracture du ménisque. Ah oui, je l'avais déjà lu, c'était au moins ligament croisé avec déplacement de la rotule de 3 cm à gauche en échasse urbaine. 7 semaines immobilisées, c'est Jérôme de Beauvais qui vous écoute toutes les nuits car je bosse. Eh ben bon courage à toi. Et on va se faire maintenant les appels mal intentionnés. On continuera à parler d'accidents sportifs dans un instant avec Cyril, avec Rémi, avec Jimmy. Et en attendant, eh ben, on en parlait justement tout à l'heure dans les appels mal intentionnés. Est-ce que vous avez vu le vice-président du MoDem qui s'est fait prendre en pleine masturbation dans les rayons d'un magasin de bricolage? Incroyable quand même l'histoire. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas nous on l'a vu. Mais c'est un truc de ouf. Enfin, complètement. Je comprends pas comment le mec s'est dit je vais sortir ma bite au milieu des pelles et des râteaux et encore je vais me branler. Tof, il pourrait le faire. Non mais qu'est-ce qu'il y a d'excitant déjà de base entre le papier peint et la colle? Non mais attends. Ça après, non mais c'est dans la tête. Il y a plein de trucs qui sont peut-être pas excitants pour toi et qui vont être excitants pour d'autres personnes. Ça, ah après, oui, je pense pas que ce soit les articles de jardinage qui l'ont fait bander. Je pense que c'est le mec la clé à pipe. Non mais le mec il a peut-être vu une meuf bonne et puis il s'est dit je vais les mastiquer. Non mais ah bah oui, quelle question. Donc on fait ça dans la rue, dans le bus, aucun problème. Bah oui. Ah bah oui. Bah oui. Attends, il y a mon devoir. Ça va finir chez les flics de toute façon. Ah bah là c'est clair. Ah bah là, ah bah là je crois qu'il y est bien. Ah bah là. Ouais, là pour le coup ça s'est fini chez les flics. Donc toi tu vas appeler, tu vas demander si les numéros qu'on t'a envoyés, hein, les gens que tu vas appeler, tu vas leur demander s'ils se sont déjà masturbés au magasin. Ah bah oui, allons-y. Allez, bah c'est parti, on y va, on appelle. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, n'hésitez pas, hein, envoyez ça sur toph@energie.com. Bon, allez, c'est parti, 1h41, on appelle. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui? Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà masturbé au supermarché. Mais va te faire enculer, toi. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Bah, d'où tu me parles comme ça? De Paris, madame. Bah ouais, mais d'où tu me parles comme ça? Bah de Paris, je viens de vous le dire. Ouais, peut-être deux morts, là. Oh non, dites pas ça, ça se dit pas des choses comme ça, madame. Toi, faut arrêter la branlette, ça rend fou, hein. Oui, mais je vois pas le rapport, parce qu'en fait, moi, je veux juste savoir si vous avez déjà fait une petite masturbation dans un centre commercial. Mais ça te regarde pas. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle. Pourquoi tu veux le récupérer pour en faire du sperme pour du fromage blanc? Non, pas du tout en fait. C'est parce qu'il y a un politicien qui s'est masturbé chez le roi Merlin et du coup je voulais savoir si vous l'auriez déjà fait. Ah, le roi Merlin? Oui. Bah non, c'est pour les croquettes. Oui, mais est-ce que vous seriez peut-être dans un autre? Peut-être vous l'avez fait chez Carrefour ou chez Auchan? Mais là, on va te faire enculer. Mais dites pas ça, enfin ça se fait pas. Alors là, je viens raccrocher cette demande et si tu rappelles, je suis avec le fusil. Ah bah non, ah bah non, faites pas ça. Ah bah tu rappelles pas, t'es de mort. Bah d'accord, mais alors pourquoi vous voulez pas répondre à ma question? Parce que j'ai pas envie. Allez, au revoir, t'es de mort. Non, je vais être obligé de vous rappeler, faites pas ça. Allô? Mais t'as un vrai gamin, toi? Ah pas du tout, j'ai 35 ans, bientôt 36. En fait, tu connais Sarah? Qui ça? Sarah. Non, c'est qui Sarah? Bah Sarah Croche. Ouh. C'est une bonne de merde. Non, pas ça. T'as appelé ton cousin, Toff? Ouais, j'ai appelé mon cousin. Putain. Bon, on rappelle. Il a mérité. Sarah Grange. Cette vanne a mérité un rappel. Allez, c'est parti. Allô? Oui, je m'excuse, on a été coupé. Ah non, c'est moi qui a raccroché tête de mort. Bah ça se fait pas, vous aviez pas répondu à la question. Bah j'ai pas envie de répondre, tête de mort. Bah pourquoi? Et tu vas appeler combien de fois comme ça? Bah jusqu'à ce que vous répondiez à la question. Eh mais non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah tu sais, j'ai pas de sac à foutre qu'à répondre à tes questions débiles. Bah justement, alors gagnons du temps, vous y répondez, on n'en parle plus. T'as que sac à foutre? Ah moi oui, moi j'ai que sac à foutre. Au moins tu bosses. Ah non, non, je suis chômeur. Tu profites de l'État, quoi. Ah oui, complètement. Et le... tête de mort. Bah non, dites pas ça, enfin c'est pas gentil. Bah si, t'es encore un putain de chômeur. Bah oui, mais bon, c'est gay d'être chômeur. Arrêtez l'ancien canapé devant la télé. Non, parce qu'en fait, moi je suis pas trop télé, je préfère l'ordinateur. Ouais, bah t'es un putain de geek. Voilà, c'est ça. Tu connais Jackie et Michel, tête de mort. Ah hein, bah oui, je connais Jackie et Michel. Bah oui, t'es un fan, tête de mort. Non, pas plus que ça, je trouve ça un peu crado. Ouais, bien sûr, tête de mort. Moi je préfère Marc Dorcel, mais bon, c'est des choix. Hein. Bah oui, tête de mort. Voilà. Bon, bah je vais raccrocher, tu rappelles pas, tête de mort. Bah oui, mais vous avez pas répondu, je vais être obligé. Bah t'es pas obligé. Bah si. Bah tu prends un autre numéro et tu fais mimi. Ah bah non, moi je veux votre réponse, monsieur, maintenant qu'on se connaît. Eh bah j'ai pas envie de répondre, tête de mort. Bah pourquoi vous voulez pas répondre, monsieur? Allez, on vous répondez, on n'en parle plus. Ah dis, la vie de ma mère va t'attraper, va te planter. Oh non, dites pas ça, monsieur, c'est très violent, ça se fait pas. Eh, demande à ta mère si elle s'est pas doigtée au supermarché. Bah je pourrais lui demander, mais c'est à vous que je pose la question là, monsieur. Ah si ça, allez, demande à ta mère. Bah non, monsieur, c'est votre réponse qui m'intéresse. Ah, il y a un gros gilet, c'est dommage. Bon, Amina, elle en peut plus là. Bah écoute, cette voix de merde, c'est la voix en fait. Sa mère, c'est tête de mort. On rappelle. Surtout qu'il n'a pas la voix de ce genre d'insulte, tu vois. Il fait pas très peur. Ah, ça, c'est sûr. Il va sortir le fusil. Ah, il a des chances. Oui, allô, tête de mort. Oui, je sais pas ce qui se passe, on a encore été coupé. Ah, bah, je te dis, c'est moi qui raccroche, tête de mort. Bah oui, mais ça se fait pas, monsieur. Enfin, vous répondez pas à la question, vous raccrochez, ça se fait pas. Mais j'ai pas envie de répondre, tête de mort. Bah d'accord, je veux bien que vous ayez pas envie de répondre, monsieur, mais la moindre des choses, c'est de le faire. Moi aussi, il y a plein de choses que j'ai pas envie de faire. Ta gueule, tête de mort. Non, monsieur, dites pas des choses comme ça, allez, répondez à la question. Hé, je te dis de fermer ta gueule, tête de mort. Oui, vous me l'avez déjà dit, mais ça répond pas à la question, ça, monsieur. Je te promets que je vais t'attraper, je vais te brûler vivant, moi, tête de mort. Bah si vous voulez, mais répondez à la question d'abord. Oui, t'habites où, tête de mort? À Paris, monsieur. Quelle adresse? Alors, c'est 22... Rue? Voilà. Ou avenue? Non, rue. R-U-E. D'accord. Et c'est Boileau, comme le poète. D'accord, tête de mort. Voilà, et c'est à Paris, dans le 16e arrondissement. D'accord, bah, je vais venir voir, tête de mort. Oui. Il fait très répondre à la question en face, tête de mort. Eh ben d'accord, on fait comme ça. Alors, vous venez pour quelle heure? À l'heure que j'aurai envie, tête de mort. D'accord. Bon, si jamais vous passez pas demain, je vous rappelle. D'accord, tête de mort. Eh ben on fait comme ça, monsieur. Allez, à demain. Bisous, bisous. D'accord, bah à demain, allez, salut, allez, à demain. Au revoir. À demain, tête de mort, au revoir. Oh là là là là, quelle lourdeur, quelle voix, quoi, putain, on n'est pas obligé de le rappeler. Hein, tête de mort. Si vraiment on est en galère, on peut, mais bon, sinon, c'est pas obligé. Hein. Bon, si vous avez d'autres numéros de téléphone de gens nerveux hein, ou insultants, tout ça, amis ou ennemis, ça restera anonyme, on ne dira pas qui nous a filé le numéro, rassurez-vous. Vous pouvez envoyer ça directement sur le mail de Tof, toph@energie.com. Pas besoin de connaître votre nom ni rien, vous laissez juste le numéro, c'est tout. On n'a pas besoin de connaître le nom de la personne qu'on appelle non plus, pas nécessaire. Donc vous envoyez juste ça sur toph@energie.com. Alex, Cyril, Rémi et Jimmy à suivre. On va également se faire le jeu du partons pas fâché si vous voulez venir jouer avec nous et affronter Tof, qui est à... 5 victoires, 5 défaites d'affilée. Tant que ça? Ouais. Ah bon. Ouais. Non. Il a 2 défaites d'affilée. Amina est à 2 défaites d'affilée également. Ouais, Polo ouais. À 0. Et moi, je suis à 5 victoires d'affilée. Évidemment. Donc c'est vrai. Bah, c'est normal en même temps. Bah oui. Donc si vous voulez jouer, je suis sur celui-là. Moi, j'accumule mon couteau sur le cul de ta mère, fille de pute. Donc si vous voulez jouer avec nous, 01 40 71 5000. Allez, on écoute DJ Snake maintenant et Justin Bieber. On est en direct, on est sur Énergie. Passez une bonne nuit. C'est Mickaël, tranquille, à la cool. Moi, j'accumule mon couteau sur le cul de ta mère, fille de pute. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Take gold through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. direct sur Énergie toutes les nuits à partir de minuit. Mickaël, le roi de la route. Confortablement installé dans sa Mustang Shelby noire. Toff est là dans son autolib recouverte de caca de pigeon. Polo débarque dans son métro qui sent la pisse. Et Amina survole la ville sur son tapis volant. Il débarque toutes les nuits dans ta radio. Peu importe le moyen, l'important c'est d'aller au bon endroit. Mickaël sur Énergie, de minuit à 4h. Exact, on est là toutes les nuits, 01 40 71 5000. Vous passez à l'antenne avec nous si vous nous appelez, évidemment. On va se faire le jeu du partons pas fâché dans quelques instants. Si vous voulez affronter Toff, Amina, Polo ou moi-même, ou même Seba, vous pouvez aussi jouer contre lui. Ça peut être très drôle. Vous pouvez jouer contre lui, il n'y a pas de problème. Je suis impatient de voir Seba jouer à ce jeu. 01 40 71 5000. On va prendre Cyril qui est avec nous à Béziers maintenant. Salut Cyril. Oui, bonsoir. 45 ans en Béziers, on sent la voix paternelle bonsoir. Là-dedans. Hein. Oui, bonsoir. Alors Cyril, tu fais quoi dans la vie, dis-moi? Je suis chauffeur super lourd. Super lourd? Comment ça va? C'est quoi super lourd? Ouais, 44 tonnes. 44 tonnes? Oh la vache. C'est quoi 44 tonnes? C'est frigo bâché ou c'est autre chose? Bah ouais, c'est les frigos. Ouais, c'est ah, les c'est mêmes. Du putain de gros frigo ça. Hein. Bah, c'est les camions, 5000 fois chargés, peuvent aller jusqu'à 44 tonnes. Ah putain! Ah, dis donc. Voilà. Ah, il y a Valentine, excuse-moi, hein, sur le Twitter qui demandait elle devient quoi, Virginie Hussac-Neuf? Oh, bah, elle passe souvent dans l'émission. La semaine dernière, elle est passée. Elle passera certainement cette semaine encore. Bon, bah, Cyril, le super lourd, alors, du camion, le 44 tonnes. Alors, raconte un petit peu, qu'est-ce que t'as déjà eu comme problème en faisant du sport? Déjà eu de la casse? Ah, on t'a perdu. J'ai fait du karting pendant 14 ans. Ouais. Et puis, je me suis fait plus de 80 fractures. Ouh là, on t'entend mal. Tu t'es fait quoi? Plus de 80 fractures. Waouh, d'une traite? Enfin, je veux dire de. Non, exagérons pas quand même. On sait jamais, attends. Une seule fois, heureusement. Bah oui, je te confirme. Là, t'aurais été bon. Hein. T'imagines? Non, bon, on se fracture beaucoup les côtes, hein, de toute manière. Donc, j'ai. On t'entend pas parce que ça coupe assez souvent. Ah bah c'est parce que je roule, attends, je vais essayer de m'arrêter. Ah d'accord, ok, bah c'est mieux. Bouge pas. Certains diront parce que c'est parce que t'es dans un frigo, du coup il y a des interférences, parce que c'est un camion de merde. Ça c'est les bâchés qui vont le dire. C'est pas bien. Non, t'inquiète pas, donc voilà, je suis arrêté là. Ah bah là on t'entend nickel, vas-y, ouais. Eh bah voilà, donc 80 fractures, enfin plus de 80 fractures, 84 exactement. La vache. Donc 60 fractures des côtes. Après, trois cervicales, une omoplate, le coccyx, les métacarpes, les métatarses, les malléoles externes. Une fois que t'as eu ça au début, les premiers accidents, tu t'es pas dit, bon, c'est peut-être pas un sport pour moi. Faut que je me calme. Voilà, passant à autre chose, à un moment, faut se faire une raison, quoi. Non, c'est peut-être parce que j'étais pas si mauvais que ça que j'en ai eu beaucoup. Ah bon? C'est ce qu'il faut se dire. Bah oui, j'ai fait 5 championnats du monde, 4 fois meilleur français, 4 fois dans les 10 premiers, donc. Ah oui, pas mal. Oui, donc. Mais après, ce sont les risques. C'était un sport pour moi. Après, c'est les risques, bien évidemment. Parce que quand on fait du kart ou du sport automobile, il faut savoir prendre les risques. Si on ne prend pas de risques, autant rester chez soi. Non, mais bien sûr. Mais enfin, là, c'est quand même violent. Hein. 84 fractures. Ah, bah oui, mais après, en ce temps-là, bon, je partais. Enfin, ça part souvent en tonneau, un karting. Hein. Faut pas. C'est clair. Eh, moi, j'ai eu une. C'est quand même 7 tonneaux d'affilée. Hein, donc, Ah ouais, t'as pas rigolé, toi. Quand tu vois, et moi, j'ai eu deux fissures des côtes. C'est-à-dire que je crois que j'allais mourir déjà. Je n'ai jamais eu de fracture. Hein. Je pense que si j'ai une fracture, je me pends. Si j'ai la possibilité de le faire, bien sûr. Si c'est au bras, j'ai en cul, quoi. Tu dis, Cyril? Ouais. Faut pas éternuer quand on a les côtes. Ah non, ça, je l'ai bien remarqué. Hein. Il faut pas marcher, faut pas se lever, faut pas rire, faut rien faire. Faut pas péter. Ouais. Ah, mais c'est vrai. Et puis pour te lever la nuit, tout ça, t'essaies de tourner. Oh là là, mais quelle galère. Bon, après, il y a pire, hein, comme d'habitude, bah, toi en l'occurrence. Bah, merci Cyril. 84 fractures. Hein. Je crois que tu seras notre champion de ce soir. Ah ouais, c'est le record là. Je pense pas qu'on aura mieux. Voilà, on fera comme ça. Bon, bah, allez, très bien. Ça roule. Salut Cyril, bonne route, à bientôt. Ciao. Il y a Alex qui est avec nous aussi à Poitiers. Salut Alex. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Eh ben, ça va plutôt pas mal. Alors, Alex, toi aussi, t'as eu de la casse? Ouais. Raconte. T'as cassé le crâne. T'as quoi? J'ai fait. T'as le kit malibre là, non, Alex, ou le haut-parleur? Ou les deux? Ouais. Bah, tu peux les enlever tous les deux. J'imagine que Seba au standard, t'as pas dit de les enlever. Non, mais je suis en train de rouler, c'est pour ça. Oh. Ah, mais tu peux pas te garer parce qu'on entend mal. Quitte à te reprendre dans deux minutes, hein, si tu veux. Ouais, ok, vas-y. Bon, je te reprends dans deux minutes, Alex. Jimmy, putain, c'est vrai, je l'avais oublié, Jimmy, qui nous avait appelé pour parler de ça à la base. Ouais. C'est vrai, ça. Tu veux pas aller dormir, toi, Jim? Non, c'est bon, t'inquiète. Il s'est endormi à moitié déjà. Non, t'as pas de cours, là? J'ai cours. T'es à quelle heure de cours demain, là? Je commence à 9h. Oh, ça va. C'est la fin de l'année, ça va, tranquille. Ouais. C'est à l'aise. T'es à l'aise, là, Jimmy. Hein. T'es à l'aise. En tout cas, c'était bien de vous parler. Je vous kiffe, je vous suis plus que vous êtes à la radio. Eh ben, on comprend pas ce que tu nous dis, mais je pense qu'on est content. Merci beaucoup, en tout cas. Depuis que vous êtes sur l'énergie, je vous suis pour ça. Ah, c'est gentil, Jimmy. T'as encore un truc à ajouter, dis-moi? Ouais, Polo, c'est un non. génie, il est beau et tout. Non. Merci, c'est gentil, Jimmy, merci. Ah non, non, bah, il l'a pas dit. Et ben voilà. Il a raison. Et ben c'est gentil, Jimmy. Je vous kiffe tous sauf Polo. Ben c'est et gentil. Et toi aussi. Trop d'amour. Je vous kiffe tous sauf Polo et toi aussi. Il reste plus grand monde. Il a raison, bah attends, on va lui mettre un coup de gueule à toi, tiens, voilà. Merci, bon, salut, Jimmy, à tout, à bientôt. Il y a moyen d'avoir un poster ou quelque chose. Ben on en a pas encore, mais dès qu'on les aura. Ouais, un poster de Polo que tu pourras mettre et tu pourras jouer avec des fléchettes. Non, non, mais dès qu'on les aura, je vais te repasser, c'est bon, on prend tes coordonnées. Dès qu'on les a, on te les envoie. Enfin, on te l'envoie. Il n'y en aura qu'un, pas t'emballer. Ça roule. Salut Jimmy, à bientôt. Bonne soirée, à plus. Ciao à toi, merci, merci beaucoup Jimmy. On va récupérer donc Rémi dans un instant. Alex, Christopher, on va se faire le jeu du patron pas fâché. Et Rémi qui dit mort de rire, il dit tête de mort toutes les deux secondes. Ah oui, dans les appels mal intentionnés. Ouais, putain, le mec il avait que ça à la bouche. Hein. Enfin, l'émission des routiers à l'aise. C'est Philou le Bâché et Shunyoken qui dit just good la team Mickaël. Salut à toi, Shunyoken. On va s'écouter Charlie Puth maintenant et Selena Gomez. Et on revient juste après. On est en direct, 1h58. C'est Mickaël sur NRJ jusqu'à 4h. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. It must be a good reason that you're gone. On est sur Énergie, bonne nuit. Mickaël sur Énergie. Ce sont des sensations, des goûts, des couleurs. Mickaël. Intense et suave. De la passion et de la force. Œuf et son saveur. Des miettes de cerveau, des proues du périnée. Polo, de la dureté, de la noirceur. C'est dégueu et un peu salé. Amina, c'est quelques grains de semoule et de la douceur dans ce monde de brut. Mickaël sur Énergie, de minuit à 4h. Tous les goûts sont dans la nature. Allez, bonne nuit tout le monde, encore une fois, on est là toutes les nuits jusqu'à 4h du mat. Si vous voulez participer, si vous voulez nous appeler, 01 40 71 5000, surtout n'hésitez pas, vous passez en direct à l'antenne avec nous et puis voilà, on est à la cool. Hein. Si vous voulez passer avec nous, il y a Rémi qu'on va prendre dans un instant, Alex également par rapport au problème de sport. Salut Alex de Poitiers, comment ça va? Ça va. Bon bah tant mieux, on va se faire le Montez-leur, elles adorent qu'on leur monte juste après également. Alors, raconte un peu Alex, qu'est-ce que t'as déjà eu comme catastrophe toi? Un traumatisme crânien. Ah oui, carrément, toi tu t'es pas fait... Ouais, il s'est dit que tant qu'à faire... Tu t'es pas raté. Bon, très bien, alors raconte un petit peu là, dis-moi. En été, pas loin de chez moi, il y a campagne de basket et un scooter. Ouais. Je lui ai demandé à un pote de monter sur son scooter derrière. Ouais. Du coup, il m'a emmené une campagne de basket et je sautais. Attends, en gros, je voulais faire un truc en sautant du scooter. Attends, t'as voulu faire une figure en sautant du scooter? Ouais, j'ai sauté du scooter pour faire un dunk sur le panier basket. Non, mais t'es sérieux, oui. Alex? Tu t'attendais à quoi? Quelle était la probabilité? Non, mais quand tu t'es dit je vais sauter, à quel moment? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Ouah, je vais faire une figure de ouf? Ou tu savais très bien que t'allais te latter la gueule? Non, je voulais juste m'accrocher au panier en fait. Non mais c'est oui, bah oui, normal. Bah oui, forcément. Dans 5 minutes, on aura un mec à sauter de sa voiture sur l'autoroute. Voilà, oui, je voulais faire un jump. Je voulais faire une vidéo YouTube. Comme James Bond directement dans l'eau à partir du pont. Ouais, c'est ça, mais ça a pas marché, étonnant. Hein. Bah oui, oui. Ouais, j'ai pris la rambarde. Étonnant, ouais. Plus qu'étonnant même. Non mais c'est improbable, ouais, c'est Alex. Ouais. Et rassure-moi, t'en as pas fait d'autres quand même, des âneries comme ça là. Oh non, c'est seul, on prend l'arrêter. Et t'as eu quoi comme blessure? Trauma crânien et traumatisme crânien, donc un caillot tournant la tête. Oh là là là, putain. Et du coup, ça fait une semaine d'hôpital en soins intensifs et un mois d'arrêt de travail. Ah oui, quand même, hein. Ah, tu t'es pas raté, hein. Tout ça pour pas aller bosser, non, mec. T'aurais pu faire un effort, t'aurais pu trouver autre chose quand même, hein. Putain. Mec, mais t'imagines, t'aurais pu crever pour ça avec cette connerie, hein. Ouais, c'est bien. C'est fou. Bon, tu vas pas le refaire. Ah bah si, j'ai déjà recommencé deux fois. Ouais, c'est ça, et deux fois j'ai raté, hein, je comprends pas. Bon bah écoute, principal c'est que ça t'est servi de leçon, on va dire, Alex, hein. C'est ça. On va dire ça comme ça, bon merci d'avoir appelé en tout cas, tu nous rappelles quand tu veux. Ça roule, pas de soucis. Salut à toi, Alex, ben, je t'en prie, à bientôt Alex. On va prendre Christopher maintenant. Christopher, t'es là, et on fera aussi le Mantelleur, elles adorent qu'on leur mange. Je rappelle qu'on va jouer demain également en direct au Mantelleur, elles adorent qu'on leur mange. Si vous voulez jouer avec nous et gagner, pourquoi pas une Xbox One par exemple. Vous pouvez aussi appeler Seba au standard, dit l'espagnol, dit le parasite, dit à l'aise au 01 40 71 5000. Christopher, t'es là? Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel. Bon, on va faire le jeu du partons pas fâché. Vas-y. Très bien. Tu veux jouer contre qui? Il y a Amina, il y a Polo, il y a Toff et il y a Seba du standard. Bah, Toff. Contre Toff. T'aurais dû prendre Seba, je pense que t'aurais beaucoup plus rigolé. Oui, peut-être. Peut-être pas. Non, si, je pense qu'on aurait beaucoup plus rigolé. Faut voir. En tout cas, t'as pris Toff et c'est bien. J'espère que tu lui mettras une troisième défaite dans la gueule, Christopher. Si on peut rappeler vite fait les règles. Et évidemment que je vais les rappeler. Alors, le principe est très simple. On va donc appeler des gens, on va appeler au Canada pour être sûr que ça décroche. Enfin, presque sûr. Hein. Et donc, le but, c'est dès que la personne va décrocher, tu vas devoir rompre avec cette personne comme si c'était ton copain ou ta copine. D'accord? D'accord. Évidemment, celui qui tient le plus longtemps gagne. Toff fera la même chose que toi, bien entendu. Celui qui a le plus de, qui tient le plus longtemps aura gagné le cadeau. Pas plus compliqué que ça. D'accord? D'accord, pas de souci. Bon, donc n'oublie pas, hein, discussion de rupture. Donc t'es censé connaître la personne. Hein. Donc dis pas genre oui, mais on s'est vu il y a 6 mois, blablabla. Non, c'est censé être ton mec ou ta meuf ou ton mec. Ouais, c'est pas je vous emmerde, vous m'emmerdez. Non, c'est pas ce jeu-là, Paulo. Ah pardon, je. Bon, Christopher, tu commences ou Toff commence? Ouais, bah, je laisse l'honneur à Toff. Ah, bah voilà, c'est bien, c'est bien. Allez, Christopher, bouge pas, c'est parti. Toff démarre maintenant. On y va. Mauvaise chance, Toff. Merci. Trop aimable. C'est trop sympa de ta part. C'est bas, prépare d'autres numéros parce que là, il est trop motivé, il m'en a mis que 2. J'en ai 9. Ah ouais, bah mets-les là. Parce qu'il regarde le premier déjà, il est foireux. Ouais, mais en plus, parce que là, je pense que les 9 vont passer à la fin. Mais en 20. Oui, bonjour, vous êtes bien. Et ben voilà, le premier foiré. Hop là. On fait le deuxième. Pétain, calme. Pour le problème respiratoire. Ouais. Allez, celui va, oui, celui va sauter aussi. Ah bah oui, hein, évidemment. Oui, allô. Oui, allô. Oui. Oui, ça va. Ça va bien, toi. Oui, je te dérange pas trop là. Non, du tout. Oh, d'accord, non, parce que voilà, j'avais envie qu'on parle un petit peu tous les deux là, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas trop dit les choses et du coup voilà, j'avais besoin qu'on se parle quoi. Je passe le temps de numéro, mon homme. Non. Écoute, voilà, je sais que c'est difficile, que c'est pas facile d'accepter les choses, mais voilà, c'est. Je pense qu'on arrive. Accepter les trois mains, moi, j'ai pas de temps à perdre. Ouais. Non, mais d'accord, mais attends, raccroche pas. Allô. Eh oui, malheureusement, ça nous a fait 36 secondes. C'est pas mal. Hein. Ouais, 36 secondes, score à battre. Du coup, Christopher, c'est gérable. D'accord, il y a moyen. C'est gérable, 36 secondes, c'est facile. Easy. Bon, allez. Easy. On y va, on appelle Christopher. Ouais, c'est parti. Bonne chance, Christopher. Ah oui, c'est vrai, comme t'as pris Toff, tu as plus 5 secondes de bonus. Bah oui. Bah évidemment, c'est la base. L'escroquerie n'a pas de limite. Pourquoi, c'est normal, non? Bah oui. Ah, je me dis bien. Évidemment, ce numéro va foirer. Hein. Comme je sais. Premier appel de Seba. Ah. Bon, eh bien, on va en appeler un autre. D'accord. Il rigole, il est content. Rire, c'est bon, il est content, il est à l'aise. Il est à l'aise, il est là, il regarde ses sites de foot et il est content. Il ose dire la poisse. Mais pose-toi la bonne question. Je veux pas dire du mal des gens, mais c'est vrai qu'avant que Seba arrive, chaque fois qu'on a appelé au Canada, il y avait quand même 98. Ouais, allô, ça va? 98% de chance de réussite. Oui. Ouais, faut qu'on parle, parce que je sais que t'es dur en ce moment, nous deux, je sais que j'ai fait des crasses, mais on a tous les deux notre temps, donc faut qu'on parle, quoi. Oh, je crois que j'ai trompé de numéro. Allô? Oui, j'ai trompé de numéro. Faut qu'on... non, je me suis pas trompé, je sais, enfin, fais pas semblant, faut qu'on parle, c'est tout, voilà. Non, je t'ai trompé de numéro, bye. Allô? Non, accroche-toi, allô? Yes! Ah! Allô, eh ben, 36 secondes, égalité parfaite! Bravo! Plus 5? Non, 36, c'était 31 plus 5, ça fait 36 également. Bon, Christopher, bah, il faut recommencer, hein. Ouais, la belle. Ah, bah, il faut faire la belle, hein. Eh, charge le traîner, là, charge le des numéros. Voilà, voilà. C'est pas. Toff, on recommence. Il est perturbé, Seba, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Serre, bah, concentre-toi, toi, fais téléphone, d'imiter Seba. Allez, on y va. C'est parti. J'ai le temps, là. Bon, on sait jamais. Ça se trouve, ça va décrocher du premier coup. Non, je crois pas. Elle barre. Allô? Oui, allô? Oui. Ouais, voilà. Ça va? Oui, bien, merci. Bon, bah tant mieux, parce que voilà, j'étais un peu gêné de t'appeler, parce que voilà, on a des choses difficiles à se dire, et voilà, du coup, oui, il y a le petit qui est là. C'est... Oui, il y a pas de problème. Ah, il y a pas de problème, on peut se parler. Non, voilà. Non, parce que voilà, à qui je parle? Bah, à moi. Enfin, tu me reconnais pas? Non. Bah, comment ça se fait que tu... C'est parce qu'il y a ton mari derrière que tu fais semblant que tu ne me connais pas? Oui, allô? Oui, à qui je parle? Bah, à moi, enfin, c'est bizarre. Je comprends pas. On, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, après, tu fais genre on ne se connaît pas. Enfin, bah, je pense que c'est peut-être le mauvais numéro. Bah, non, écoute, je t'ai appelé je ne sais pas combien de fois sur ce numéro-là. J'ai juste rappelé sur mon téléphone. Voilà, moi, je t'appelle... Voilà, je pensais quand même que tu avais gardé un meilleur souvenir de notre relation, quoi. Allô? T'es là? Allô? Allô? Oui. Non, mais je disais, voilà, j'espérais que tu avais gardé un meilleur souvenir de notre relation, quoi. Je crois que... Le numéro. Mais non, écoute, je sais que c'est toi, voilà. En fait, moi, ce que je voulais te dire, c'est qu'on peut pas continuer comme ça, quoi. Tu vois, Allô. Une minute 35, mais je demande une assemblée générale extraordinaire. Oh là, je pense qu'on est d'accord. Je pense qu'Amina m'a... Non, alors, je ne dis rien. Amina, qu'en as-tu pensé? Ouais. Alors, j'ai pensé que c'était un score incroyable, sauf que il a vraiment triché parce que toutes les 5 secondes, on avait des E, des blancs, des phrases répétées. Et surtout que, j'allais dire, les 30 premières secondes, il n'y a pas eu de rupture. Non, non, il n'y a rien eu. Non, non, je pense qu'il n'y a pas eu allô, bonjour, bonjour, bonjour, 15 fois. Non, mais attends, Polo qui est juge, j'ai été l'avocat, voilà, Amina, nous sommes, Amina juriste. Polo, tu statues comment? Bah écoute, il a joué quoi. Après, c'est vrai qu'il y a eu des longueurs, il y a eu des imprécisions, il y a eu du traînage, mais bon, il a gagné. Pour l'instant, il n'a pas gagné, puisqu'il y a Christophe qui doit encore jouer. Ah non, mais il a bafoué. Il a fait une minute 35. Est-ce qu'on laisse la minute 35 ou est-ce qu'elle mérite d'être fractionnée Je pense qu'il faut fractionner. Ouais. Pour être honnête. Non, attendez. Le jeu avait été de faire l'appel le plus long, il aurait gagné. Oui. Mais c'est ça le jeu. Non, là, le but, c'est d'avoir une rupture. Eh ben, tu ne respectes pas les règles, donc je pense qu'il faudrait diviser au moins par 3. Non, non. Il y a eu 35 secondes de parole, en vrai. Voilà. On peut voter, hein. Bon, Polo, on fait combien de secondes alors? Puisque bon, après, on va dire que c'est moi qui ai volé. Non, ça, mais etc. Je pense qu'on faut lui laisser sa minute. Sûr. Une minute? Ouais, les minutes, on lui enlève 35 secondes par. Et ça se 30. Oh là là. Bon, vas-y, c'est bon, on met 3 secondes. Une minute. Vas-y, t'as gagné, Christopher. Non, une minute, faut y arriver à faire la minute. Bah oui. Faut arriver à faire la minute, hein. Mais ouais. Bon, allez, Christopher, ouais, à ton tour. Allez, on y va, gros. 30 secondes de parole, c'est dur. Ah, c'est bon, t'as gagné. Mais quel mauvais perdant, quand même. C'est fou, quand même. Non, mais attends. Surtout, c'est lui qui triche de base. Tu vois, et ben, c'est exactement le genre. Et alors, tous les flics et les gendarmes reconnaîtront ça. C'est exactement les gens qui font des excès de vitesse. Qui font... Ouais, bah vas-y, mets-le-moi le PV là. Bah vas-y, mets-le-moi le PV. Et bah oui, ça je vais te le mettre à tricher. Mec, tu fais un excès de vitesse, t'as le PV. J'ai fait aucun excès de vitesse. Mais là, on parle pas de la voiture, mon gueule. J'ai joué de main de maître à ce jeu. Non. J'ai fait 1 minute 35. Oh là là, mais quel mauvais ton sur l'arbitre. Mais bien sûr. Et ben 45 secondes de pénalité, voilà. Christopher, tu as gagné. Non, 50 secondes. Christopher est un homme honnête, il jouera et il gagnera sa place. Bon, Christopher, t'es prêt? On se bat combien de temps? Bah 40 non, du coup 10 secondes. Une 35 moins 40, donc 50 secondes. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Vous l'avez tout. Attends, parce que j'ai pas suivi. Du coup, on est passé de 1 minute 35 à 1 minute à 50 secondes. Bientôt, je vais devoir du temps. Et bah, si tu insistes. 50 secondes, score à battre, Christopher. T'es d'accord, prêt? Pas de soucis. Allez, on y va. Allez. Ouais, tout ça pour faire gagner du temps à Seba au standard pour qu'il mette d'autres numéros. J'ai oublié ça. Ah ouais. Quelle mauvaise perdante, celle-là, alors. C'est ouf. Allô? Oui, c'est moi, ça va? Oui, ça va, toi? Ça va, dis, faut qu'on parle de notre rupture, voilà, faut qu'on parle de tes torts, faut qu'on parle de nous deux, quoi, parce que je sais que t'as plus en ce moment et faut qu'on parle, quoi. Excuse-moi? Ouais, je te dis, faut qu'on parle de notre rupture, nous deux, parce que voilà, bah, j'ai mes torts, t'as tes torts, et puis faut qu'on en parle de nous deux. Enfin, moi, j'ai envie que ça continue, mais toi, tu veux pas. Donc pour l'instant, on n'est plus ensemble, mais faut que ça continue. On a une belle histoire d'amour. Mais je comprends pas. Je pense que t'as trompé le numéro, vraiment. Non, arrête de faire. Enfin, fais pas semblant, assume, et puis voilà, faut qu'on parle, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, faut qu'on parle. Il y a pas à chier, faut qu'on parle, c'est tout. Tu veux parler avec qui? Bah avec toi, faut qu'on parle de notre rupture. Je pensais que tu gardais un meilleur souvenir que moi et voilà, on a vécu une belle histoire, tu veux pas tout foutre en l'air comme ça. Je suis désolé. Allô? Allô? Allô? Oui? Oui, faut qu'on parle de notre rupture amoureuse. Parce qu'on a vécu une belle histoire. Oui, on a vécu une belle histoire d'amour et voilà, faut pas se cacher. T'as vraiment ça à perdre au téléphone? Non, j'ai pas que ça à faire, faut qu'on parle, c'est tout. Et tu veux pas parler, voilà, mais faut qu'on parle, quoi. Hey, Tof, t'as raccroché? Je te fais rien. Comme par hasard. Oh, le saboteur. Il était en train de dépasser la minute 30. Je me dis, je vais rien dire tant qu'on arrive à 1 minute 35. Comme ça, il pourra pas ouvrir sa gueule. Hein. J'ai été volé. Et voilà, j'ai été volé. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà. Tof a saboté. J'ai touché à rien. Ouais, mon cul, ouais. Comme non, par hasard. Elle est en train de parler, puis tout d'un coup, ça coupe. Non, il a rien. C'est bizarre quand même. Voilà. Bon, de toute façon, 1 minute 30, Christopher, c'est gagné. Ouais, nickel, merci tout le monde. Et en jouant dans les règles. Non, j'ai été volé. Ouais, c'est ça, t'as pas été volé. Quatrième, non, troisième défaite d'affilée. Troisième escroquerie, troisième défaite. Bon, bah bravo Christopher, en tout cas. Hein. C'est beau de voir des gens gagner honnêtement, comme ça, c'est bien. J'ai été volé. C'est vrai, c'est vrai. Bon, eh ben, Christopher, je te renvoie chez Seba au standard hein, s'il retrouve la ligne. Hein, parce qu'il doit dépatcher des câbles et tout ça, comme dans les années, tu vois. Bon, de quoi, Christopher? Je peux faire une petite dédicace vite fait? Vas-y, vas-y, ouais. Bah, j'ai une petite dédicace à ma chérie qui doit être en train de dormir, puisque demain, elle de bonheur. Bah, si elle dort, quand tu nous emmerdes avec ta dédicace, si elle dort, la pauvre, réveille-la ou moi. Mon pote Théo des transports TTE qui roule aussi. Ça roule, bon ben. Bah. Eh bah, bah, j'espère. On rigole. Bon, pas de soucis, salut à toi, à bientôt, Christopher. À bientôt. Allez, ciao. Bon, si vous aussi vous voulez jouer avec nous contre Toff facilement, comme vous pouvez le voir, hein, parce que oui, puisque Mickaël vous fait toujours gagner. Arrête, oh Mickaël Mito. Accusation à tort. Grave. 01 40 71 5000. Pour la peine, tu seras à 4 victoires, 4 défaites d'affilée. Ouais, bah, mais ça. Allez, Julien Perretta maintenant sur Énergie. I'm drowning in an ocean of salt water. So emotional, come we make a truce, 'cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Sur Énergie, passez une bonne nuit. Bon allez, on se met la pub en speed et on revient avec la nuit sans pub juste après. Bon bah, il restera deux heures de sans pub quoi. Mickaël sur Énergie, toutes les nuits de minuit à 4h. 01 40 71 5000. Un pour tous. J'ai trop hâte de les voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les trois mousquetaires, l'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Plus de 40 artistes sur scène, des tableaux et des chorégraphies à couper le souffle, un décor grandiose. Rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Ah, c'est trop bien! Avec Énergie, it's music only. Hey, c'est... Salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu un héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Votre vie est faite de joie, de peine, mais aussi de surprise. Si vous aviez été prévenu, vous auriez réagi différemment et mieux. Envoyé par SMS Avenir au 7212. Nos équipes de spécialistes en astrologie et voyance se tiennent à votre disposition pour éclairer votre avenir. Avenir, AVENIR, au 7212. Vous n'êtes plus seul pour affronter les assauts du destin. Envoyez Avenir au 7212. 65 centimes plus prix du SMS, e-énergie. La nuit te fait peur. Mais pourquoi ? Les cauchemars. Les sueurs froides. Des monstres, des ombres dans le noir. De quoi tu peurs ? La nuit sombre et solitaire. Des sorcières, des fantômes. La tête de teuf. Que d'horreurs apparaissent la nuit. De quoi tu peurs ? Et ces bruits, d'où viennent ces bruits ? Une impression, une sensation. Frissons lugubres. Dans la pénombre. Les pires choses peuvent arriver. Tu le sais. Alors, cache-toi, ils arrivent. Mickaël. Toff, Polo et Amina. Toutes les nuits de minuit à 4 heures sur Énergie. Eh oui. On est là, évidemment, 2h22. Il y a le son de Sopra qui arrive dans quelques minutes. Alvaro Soler, on se fera le Polo Show également. On va récupérer Rémi et Quentin par rapport aux accidents. Et avant toute chose, évidemment, on va se faire le Menteleur. J'adore qu'on leur mente. Alors, c'était le Menteleur qu'on avait fait la semaine dernière. On s'était bien marré. On va vous le remettre, évidemment, pour ceux qui veulent jouer avec nous. Demain, par exemple, avec une Xbox, par exemple, à gagner Xbox One. Si vous voulez jouer avec nous, 0140 71 5000. Le principe, on vous impose trois mensonges, vous devez les balancer à une personne que vous connaissez. Si il ou elle s'énerve, c'est gagné. Bah écoutez l'exemple justement avec Thomas. Du coup, t'es toujours là, Thomas ? Je suis toujours là, ouais. Eh ben très bien, Thomas, c'est parti. On va jouer maintenant. Menteleur, Alzador pour leur monde. Tu nous as appelé. Et pour ceux qui viennent de débarquer, on va faire un petit best-of de ce que tu m'as dit. Ton ex-copine s'appelle Lucie. C'est elle que tu vas piéger. Elle a 21 ans. Vous habitez encore ensemble parce que les loyers à Paris, c'est cher et que du coup, vous vous êtes dit, bah tant qu'à faire, autant partager. Toff avait eu une idée, mais enfin, il l'a eu encore une fois grâce à moi. Hein, bah, évidemment, évidemment. Bah oui, puisque j'avais dit, ouais, mais c'est pas pratique de loger avec son ex. Imagine, il y a une autre meuf dans l'histoire. Oui, il n'y a pas d'autre meuf. Et Toff, justement, il va y en avoir une. Voilà. Je l'ai vu, là, l'excitation, ça cache toujours. Quand Toff est excité comme ça, c'est que ça cache un truc. Voilà, donc le premier mensonge, c'est que tu vas lui dire que, bah, en fait, t'as une nouvelle meuf et que, elle va venir loger à la maison, quoi. C'est un appartement de combien de mètres carrés, à peu près ? 15 mètres carrés, donc c'est vraiment pas grand. À 3, c'est mort. Ah, bah oui, ça, c'est sûr que ça fait 5 mètres carrés chacun. Ça représente voilà. Quoi, 15 mètres carrés ? 15 mètres carrés, c'est plus petit que le studio dans lequel on est. Ah, ouais, putain, c'est chaud. C'est ça, hein, toi, parce que toi, ouais. Il y a plus le. Oui, c'est clairement, non, mais il y a un lit, il y a pas la place pour un deuxième, mais c'est tout. Amina, une idée de mensonge ? Ouais, et bah à son stage, il a rencontré un super pote qui, évidemment, s'appelle Michel. Ouais, et bah, qui est en galère de copine. Et comme il en a un peu marre de se taper son ex par pitié, bah du coup, il va leur filer un pote. Ah oui, pourquoi pas, ouais. On va garder ça, on sait jamais. Bon, et Polo, une idée de mensonge ? Il y a deux trucs. Soit tu peux lui faire dire qu'en fait, tu ne t'entends mal avec son frère parce qu'en fait, vous avez eu des rapports intimes. Vous êtes rapprochés à un moment donné. Comme dans Brokeback Mountain. Elle va avoir beaucoup de mal avec ça. Ah, ouais, mais pas genre, tu crois que son frère va lui dire « Ouais, j'ai couché avec lui ». Ah oui, c'est ça, en fait. Hein. Ou alors, t'as un fantasme, c'est tu rêves de la déguiser en hot dog, mais un vrai hot dog. De la moutarde et tu rêves de la mettre dans du pain, deux tranches de pain. En gros, que si jamais tu peux faire un petit link, tu peux lui dire que, ok, ta nouvelle meuf peut ne pas venir à la maison, mais par contre, tous les soirs, elle doit s'habiller en hot dog. Mais en vrai, avec du pain et de la moutarde. Okay. Voilà. Et toi, c'est quoi ton idée de mensonge ? T'as dit que t'en avais une ? Ben ouais, hier soir, je suis sorti, elle m'a envoyé des messages, j'ai envoyé des snaps, elle a vu que j'avais un peu bu, moi, elle a ragé. Je lui ai dit que j'étais avec ma cousine. Ouais. Ce qui était la vérité. Mais je peux aussi lui dire que j'étais avec la fameuse meuf dont vous avez parlé tout à l'heure. Ah oui, la nouvelle. Oui, c'est ça, ouais, la nouvelle meuf, ouais, très bien. Qu'on va appeler. Il y a un prénom qu'elle déteste ? Prénom de fille ? Non. Pas spécialement, non, pas. Genre les. Natacha est un vrai prénom de pute. Oh là. Ah. Mais c'est Tof qui nous l'a dit. Ah oui, non, mais Natacha, alors là. Bon, alors appelons-la Natacha. Natacha. Isabelle aussi, c'est un prénom de salope quand même. Voilà, Natacha sera jouée par Amina. On va l'appeler Natacha. Oui, enfin bah, Natacha, ça ira déjà, mais oui, d'accord. Voilà, Natacha, donc elle est là. Moi, c'est Michel, je suis un pote donc en stage. Et bah, en gros, voilà, moi, je cherche une meuf. Et donc, du coup, bah, comme toi, tu l'aimes bien justement ton ex et que bah, tu veux présenter Michel. Au pire, je prendrai le combiné, je la chaufferai un peu. Enfin, je lui parlerai mal, bien évidemment, comme un sac à merde, tout ça. Ouais, okay. Donc voilà. Donc stage, nouvelle copine, nouveau copain, donc Michel pour elle. Il y a une nouvelle meuf qui va arriver à la maison et donc il va falloir, faire un truc à trois, quoi, vivre à trois, hein, pas forcément sexuel, quoique, tu l'as dit, pourquoi pas. Et puis bah, la nouvelle copine qu'elle a rencontrée hier, c'est Natacha. D'accord. Ça fait que deux mensonges, ça. Bah non. Il y a la nouvelle meuf et il y a Michel. Il y a la nouvelle meuf, il y a le Michel, oui, exactement. Et le hot dog. Et le hot dog, ouais. Voilà, j'avais oublié le hot dog. Putain, et le hot dog. Cinglé, bon. Et bah voilà, bon, allez hop, on y va, c'est parti. On appelle Leslie. Lucie, pourquoi je suis Leslie, moi, n'importe quoi. T'as envie de la changer de prénom. Ouais, j'ai dit Lucille tout à l'heure. Leslie, on va l'appeler Teresa. Allez hop, c'est parti. Bon, bonne chance Thomas. Tablette Samsung Galaxy Tab A à gagner, ça vaut 250 balles. Peut-être pour toi, ah si ouais, Lucie quoi. Arrive à s'énerver, bien évidemment. On y va, on appelle, bonne chance. Et on rappelle que c'est pas Alice. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Lucie ou non. Merde, c'est le répondeur. Tu crois qu'elle dort là ou pas? Bah non, attends, on se parlait par message il y a 5 minutes. Bon, attends, on rappelle. Au pire, tu lui envoies un texto, tu dis j'essaie de t'appeler, tu décroches pas. C'est peut-être le numéro privé, c'est pour ça. Attends, on va voir. Allô? Allô, ouais, Lucie? Ça me fait toujours marrer les gens qui ne décrochent pas, numéro masqué, mais. La ouais, c'est trop forte au deuxième appel. Ça va? Oui, et toi? Bah, écoute, pas mal, je t'ai dit, j'ai une petite journée sympa, j'ai quitté tard, bref. Comment? Ouais, je t'appelle parce qu'il y a deux, trois. Enfin, ça fait quelques temps, j'ai envie de te dire des trucs et je sais pas comment le faire, en fait. Et voilà, du coup, je t'appelle, je profite de ce soir pour. Je sais que tu bosses pas. Une fois que t'as envie de me dire quelque chose. Ouh, elle est encore en kiff sur elle. Ouais, bah, enfin. Alors, on se parle quand même, je veux dire, là tout à l'heure on parlait par message et tout, je sais que. Ouais. Oui, c'est un peu exceptionnel, mais bon. Ouais, ouais. Comment, ouais, bah, tu sais, hier je t'ai dit, j'étais avec ma cousine, enfin, je t'ai dit qu'elle avait un peu bu, tu sais, te rappelles quand je t'ai envoyé le snap là? Oui, bah oui, tu te souvenais même plus que tu m'avais envoyé un snap alors. Ouais. En fait, c'est une meuf que j'ai rencontrée à Paris. J'étais pas avec ma cousine, j'étais avec une meuf que j'ai rencontrée depuis que je suis ici. Et je lui ai dit que je faisais un peu de photos et tout. Elle m'a invité à venir chez elle parce qu'elle voulait que je fasse des photos. Du coup, bah voilà, j'y suis allé. On a fait quelques photos après. Des photos de. Bah, des photos d'elle, quoi. Des photos d'elle. Faire ça chez elle. Parce... Ouais, enfin. Bah, tu vois le genre de photos dont je veux parler, quoi. Bah, non. Bah, genre, elle était pas à poil, mais presque, enfin... C'est une blague. Bah non, la connerie. Et, enfin, bref, voilà, et en ce non, moment, bah... Non, mais c'est plus que des photos, si tu veux, parce qu'on a passé la nuit ensemble. Et, non, c'est plus que des photos. Alors, vous avez fait un film et tout Non, je te dis, on a passé la nuit... Et après, on est revenu ici, à l'appart. Et on a passé la nuit à l'appart. Comment ça? Attends, t'as ramené une fille dans mon appart? Ah, parce que c'est le sien, c'est vrai, putain, j'ai pas pensé à ça. Ouais, bah, enfin, ton appart, c'est sur le papier que c'est ton appart, mais je paye quand même un petit peu. C'est quand même mon appart, hein, c'est là que je vais dormir. C'est là que j'ai déjà dormi. Enfin, t'as ramené une fille dans mon lit, dans mon appart. Mais t'inquiète, de toute façon, on peut vivre à trois, tu vois, on ira chez Ika, on achète un lit à la con, un lit en hauteur, je sais pas, et nous, comme ça, on prendra deux places avec Natacha. Et puis toi, tu pourras avoir le lit à l'étage, quoi. Natacha, ça peut foutre son nom, c'est tout, c'est comme ça. Vous avez un prénom des années 30, là, c'est quoi ça, cette histoire, hein, mais arrête la blague, là, c'est bon. C'est n'importe quoi. Mais non, en plus, ce que je te propose... Vivre à trois... Non, mais t'as bu, là. Non, t'as attends. Fumé, t'as pris quoi? Enfin, moi, tu vois, ça me fait chier aussi qu'on vive à trois. Mais je prends sur moi, par contre. Si tu veux vraiment qu'on vive à trois, enfin, tu vas trouver ça complètement débile, hein, mais il faut que tu te déguises en hot dog. Genre, faire le hot dog, genre t'habiller en hot dog, et la nuit, éventuellement, pourra faire le hot dog avec toi, Natacha et moi. Attends, je crois qu'on est plus sur la même planète. Non, mais pas tous les soirs, j'ai pas bu, mais en fait je suis avec un pote, il s'appelle Michel, j'ai rencontré chez Nexans là, à mon stage. Et c'est lui un peu qui m'a proposé de faire ça, quoi. Tu serais pas ok, toi? De quoi? Mais c'est quoi ton délire du hot dog là et Natacha? Mais tu m'as jamais parlé de Natacha ou quoi? Tu veux la parler ou pas là? C'est Michel, je t'ai dit, j'étais avec lui. T'es dans mon appart avec un Michel là? C'est quoi cette histoire? Mais ça, t'es pas là en ce moment. Thomas, c'est mon appartement, mais tu ramènes personne dedans, mais ça crache. Le corps, il est comment là? Il est bien ou pas? Elle est quand même plutôt bien gaulée, je suis sûr qu'elle est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est cool, c'est pas mal. Mais tu parles de qui là? Mais c'est n'importe quoi. Bah écoute, je veux bien, moi, ça m'intéresse. Hein. Mais non. Ouais, en fait, Thomas, je vais tout te dire. Non, mais attends. Mais attends, tu ramènes des gens, vous parlez de moi, de mon corps, dans mon appart. Tu me parles d'une Natacha dans le dos, mais Thomas. Je sais que dernièrement, Attends, passe-la moi, je vais lui expliquer parce qu'à mon avis, il n'a pas du tout comprendre. Hein, t'as l'air un peu gauche. Ok, vas-y. Ouais, bon. Ok, c'est Michel. Ouais, salut, ça va Lulu? Non, ça va, Lulu, c'est Michel là. Non, mais je parle pas Michel, moi non. Non, mais c'est pas une langue, c'est Michel. Mais tu dégages de mon appart. Mais attends, je t'explique. C'est-à-dire qu'en fait, il a rencontré une meuf qui s'appelle Natacha. Enfin, on l'appelle Natacha, c'est parce qu'on se marre, tu vois. Et donc voilà, du coup, je voulais savoir simplement, parce que du coup, il m'a dit que t'étais célibataire. Donc, si éventuellement il y a moins qu'une petite cartouche, quoi. Non, déjà, je suis pas célibataire. Ah bon? Tu me repasses Thomas tout de suite. Moi, je pensais que t'étais célibataire. Tu dégages de mon appart. Oui, ben non. Ah bon? Moi, je pensais que t'étais célibataire. Bah t'es célibataire ou t'es pas célibataire? Lulu? Ta gueule. Bah ça se fait pas de me parler comme ça là. Moi je suis là tranquille, je suis un pote de Thomas. Je suis un pote de Toto là. Bon, je te le repasse. Bon, je te le repasse, je te le repasse. Ouais, mais enfin il est cool Michel, en vrai là il paraît un peu comme ça et tout, il paraît un peu chaud, mais en vrai il est cool, je sais que t'es un peu en galère de mec en ce moment, et je me suis dit Michel, il non, je suis pas en galère de mec, non, du tout. Par contre là, je comprends pas du tout ce qui se passe, parce que c'est vraiment ta voix, c'est toi, et là je comprends pas vraiment. Eh, cela dit, je pourrais venir faire des photos quand elle sera bien au dog. Ouais, c'est cool, j'ai mon ordi, j'ai tout ce qu'il faut pour les photos, moi t'inquiète Michel. Eh, on peut lui mettre un peu de moutarde et de ketchup? Ouais, ça je peux faire, hein. Je peux acheter, j'ai des pots géants, les 5 litres. Ouais, bah je sais pas si elle va kiffer, mais on va se débrouiller pour qu'elle kiffe. On s'en branle là, moi je vais kiffer, c'est le principal. Thomas, c'est pas possible. Mais pourquoi? Mais. Enfin, je sais pas, tu veux pas être un peu compréhensif, ça, c'est ton appart. Attends, je vois pas ce qu'il y a de mal à croire que tu vas te déguiser en hot dog, c'est pas comme si on te disait qu'on allait sur la lune. C'est rien, c'est un hot dog. Oh, qu'est-ce qu'elle est coincée du cul alors? C'est rien en vrai. Non, mais je comprends pas, c'est quoi votre délire là? Hot dog, c'est même pas excitant. Mais qu'est-ce qui t'excite? Vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui t'excite? Bah, tout sauf un hot dog, quoi, je suis pas une saucisse. Ah, donc même moi je t'excite? Non, c'est bon. Ah, bah, si, t'as dit tout sauf un hot dog, moi je prends ça pour moi. Bon, bah, c'est cool alors. Bon, on se voit quand alors, Lulu là? Jamais, déjà tu dégages de mon appart. Non mais attends, ça va, arrête, là je suis déjà installé et tout, on est bien, on t'attend quoi. D'ailleurs t'arrives pas, comment c'est que t'es pas dans ton appart à cette heure-ci là? Putain. Hein? Ta gueule. Bah dis donc, tu m'as pas répondu, comment c'est que t'es pas dans ton appart? Mais parce que je suis pas dans mon appart, putain. Ah bah merci pour cette réponse, je vais aller loin avec ça, tiens. Ah bravo. Bon. Oh Lucie, tu vas pas loucher une pendule pour un détail comme ça là. Putain, en plus tu connais mon prénom. Bah oui, ça fait 2 heures que je t'appelle Lulu, c'est pas au hasard. Hein. Repasse-moi Thomas. Bon, Thomas. Eh, hey, tu vas pas loucher une pendule, Lucie là. Mais on fait toujours des tonnes aussi. Mais oui, oui, on dirait ça, ouais. Lucie ! Chris, on fait toujours des tonnes. Non, mais en même temps, à chaque fois avec toi, il n'y a rien qui est grave là. Non, pour le coup, rien n'est grave. Cela dit, ça aurait pu être grave, plus grave parce qu'on voulait, on voulait qu'il te fasse croire que ton frère avait couché avec lui. C'est vrai. À la base. Non, oui, parce que t'es en direct sur Énergie, c'est le mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente. J'ai beaucoup aimé, je ne suis pas une saucisse. Je ne suis pas une saucisse. Bon, tu vois, et donc le principe c'était de lui imposer trois mensonges pour qu'il puisse les faire croire. Et dans les propositions, il y avait également l'idée de te faire croire que apparemment il y a un de tes frères qui l'aime pas trop le Thomas. Donc c'était de te faire croire qu'en fait que vous aviez, enfin que eux deux avaient eu une relation homosexuelle et que c'est pour ça en fait qu'il l'aimait pas. Et donc voilà. Mais Thomas a dit non, Camille, il ne va pas y croire, elle va pas y croire. Rapprochés. Voilà. Bon, du coup, ça va, Lucie. Eh, dis donc, c'est quoi cette petite voix là? J'ai l'impression, Lucie, que t'es du style à tout prendre comme pour une catastrophe. Mais non, mais je tremble là. Mais non, mais pourquoi? Tu n'es pas une saucisse. Combien mesures-tu? Pas le rapport, Toff. Putain, en fait, Toff, c'est un charognard. C'est ça, mais t'as vu la gueule? C'est un vautour, il arrive, c'est une vieille carcasse. Regarde ce nez, c'est comme un bec de vautour. Oui, alors Lucie, combien mesures-tu? En mètres, en centimètres. Donc en mètres, ça fait combien? Bah non, tu passes, t'es con quand même. Si. Donc Lucie, combien mesures-tu? Con. Lucie? Désolé. Elle essaie de noyer le poisson. Mais en fait, elle m'entend ou pas? Oui, mais elle s'entend pas. Ah, bah voilà. J'ai un peu poussé sur le bouton. Lucie. Quoi? Combien mesures-tu? Ça va en mieux, mètres, là. En mètres. 1m69. C'est parfait. Oh, c'est mon chiffre préféré. Oui, c'est génial. Combien pèses-tu? Combien pèses-tu? Ça, c'est indiscret. Mais non, mais non, mais non. Allez, Lucie, ça reste en solution. T'es pas obligé, Lucie, t'es pas obligé. C'est un tas de merde. T'es pas obligé. 48 kilos. Ah, il faut manger maintenant, Lucie. Il va falloir manger un petit burger à l'occasion. Tu es parfaite. Quel est ton tour de poitrine? Je ne suis pas une saucisse. Mon tour de poitrine? Oui. Thomas, tu peux répondre? 1,90 D. Oh là là là. D. Oh, D. Ah ouais. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Mais mec, garde-la, hein. 34. Alors toi, t'es vraiment. Toi, t'es vraiment un mongol, Thomas. Bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Allez chercher un marabout, ils sont possédés! Voilà, bon, Lucie, Thomas... Lucie, je viens te chercher en Autolib immédiatement, je ne peux pas te laisser comme ça. Bon. Je viens en Porsche, choisis! Bon, qui ira louer, bien évidemment, matérialiste! Et alors? Bon, Thomas, t'es vraiment un idiot, allez, permets-moi de te le dire, enfin après tu fais ce que tu veux, mais tu... Ou alors elle est vraiment chiante! Ça fait 3 ans qu'on lui dit au moins. Ou alors elle est vraiment chiante, alors ça c'est possible qu'elle soit chiante. Non, elle est un peu chiante de temps en temps, mais pas beaucoup en fait. Ah non, oui, d'accord. C'est vrai que je suis un peu débile. Évidemment. Bon, écoute, on va vous filer la tablette. Bah du coup, tu sais quoi Thomas, tu l'auras dans le cul, on va filer la tablette à Lucie. Voilà. Après, ah bah oui, attends, après tout, c'est elle qui a été piégée, la pauvre. Et c'est son appart. Et c'est, en plus, c'est son appart. Et ce n'est pas une saucisse. Voilà. Et c'est pas une saucisse, voilà. Parce que je rappelle que c'est Thomas qui a insisté pour qu'on fasse le hot dog. Voilà. Oui, c'est vrai. J'en achèterai un. Bah, c'est gentil, Lucie, ça lui fera plaisir. Quelle gentillesse, Lucie. Bon, et bah Lucie, du coup, donc Samsung Galaxy Tab A. Thomas, sans rancune, hein. Sérieux? Bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oh, il est vénère, c'est bon ça. Il est vénère. Je vais pas venir au studio la chercher, quoi. Ah non, je te confirme. Hein. Bon, Lucie et Thomas, je vous repasse Seba. Ah, Seba qui est de retour! Oh, alléluia! Oh, alléluia! Oh, j'ai fait quoi? Fieu, laisse-moi parler, Fieu! J'étais aux toilettes, j'ai fait caca, j'ai mangé. Oh là là, putain, ça y est, deux heures après. J'ai poussé, je me suis mis à l'aise, j'ai poussé comme au sport et ça a sorti. Et 10 minutes, j'ai chié ça. Ah, il s'est mis à l'aise. J'étais bien. Il s'est mis à l'aise. Et on était à deux doigts de la vie de recherche. Mais grave, attends, tu rigoles ou quoi? Bon, Thomas et Lucie, je vous renvoie chez Seba au standard. Et merci d'avoir appelé, vous revenez quand vous voulez, les gars. Salut à vous deux. Salut. Bon allez, on remet le couvert demain avec le Manteller, elles adorent qu'on leur mente. Inscription 01 40 71 5000. On écoute le son de Sopra maintenant sur Énergie. Je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu, je suis chaud, allez, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. Je suis en feu. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la ville. Je suis en feu. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Je suis en feu. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Je suis en feu. Le sol le salut, même Michael Jackson me dit merci. Je suis en feu. l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des cheerleaders. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu. Ça sent le brûlé, ça sent, ça sent le brûlé. Appelle les pompiers, je suis chaud. Sur Énergie, passez une bonne nuit tout le monde. Bah oui, on est là tranquillement, toujours au cœur de la nuit, sans pub, et on va se faire les appels mal attentionnés. Nouvelle équipe, oui. Nouveaux horaires, nouveaux cadeaux, nouveau studio, nouveau casque, nouveau micro, nouveau standardiste, nouvelle photo. Mickaël, Tofolo et Amina sur Énergie de minuit à 4h. Que des nouveautés. Ah non. Tof a toujours une sale gueule et ça, ça ne changera pas. Ah non, ça c'est vraiment dommage. Ouais, il y a Platoon 27 qui dit allez, je rentre à la maison, je vais aller chatouiller la glotte de madame. C'est génial, j'adore. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette expression. Ah ouais. Alors je la note. Je vais aller chatouiller la glotte de madame. Il y a Mathieu qui dit quel beau gosse c'est Mickaël. Oh, je t'en remercie, Matt. Jackie Chan aussi a eu plus de 200 fractures suite à ses cascades. C'est Fab du 80. Ouais, mais bon, c'est un cascadeur. Et il est payé pour. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, on se fait les appels mal intentionnés avec le vice-président du Modem qui s'est fait prendre en pleine masturbation dans les rayons d'un magasin de bricolage. Du coup, Tof, tu vas voir avec tes amis s'ils se sont déjà branlés au supermarché. Bah oui, allons-y. Grâce au numéro que vous envoyez sur le mail de Tof, c'est TOP. ph@energie.com. Et ben on y va, c'est parti, on appelle. Ampec. Alors. Allô. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà masturbé dans un centre commercial. Eh oui, mon pote! Et vous l'avez fait où alors? On l'a fait où? Bah oui. Bah dans un centre commercial. Oui, mais lequel? Lequel? Écoute, man, je te donne trois choix: Leclerc, Auchan, Cora. Oui. D'accord. Et. Choisis. Et moi, je dois deviner. D'accord. Bah, je préfère Leclerc, ça a l'air plus sympa. Devine. Leclerc? Oui. Raté. Merde. Raté, frérot. Ah, zut. C'est moche, hein? Bah oui, c'est moche. Donc, du coup, t'es en train de perdre ton temps, quoi. Bah d'accord, mais alors c'est Auchan ou c'est Carrefour? Ah bah du coup, là, je peux pas te le dire, tu vois. C'était à toi d'être assez futé pour trouver. Ah merde. Ah oui, c'est con. C'est moche. C'est moche. Ah oui, c'est très très moche. Bon bah tant pis alors. Bah, hein. Ouais. Bon bah j'ai perdu. Hein. Bah ouais, désolé pour toi, mon pote. Hein. Bon bah une bonne soirée quand même. Bah ouais, toi aussi, man, carrément, ciao. Allez, au revoir. Ben voilà, hein, t'as perdu, hein, mon gars. Ouais, j'ai perdu. Qu'est-ce que je te dis. Bah, bon, ouais. On appelle un autre. Bah ouais, allez, j'ai perdu, il faut en appeler un autre. Ouais, c'est parti. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous étiez déjà masturbé dans un centre commercial, monsieur.

Bonne soirée, bonne nuit, 2h51 du mat, on est au cœur de la nuit sans pub. On va se faire l'heure sub jusqu'à 4h et puis en attendant, c'est le polo show maintenant, c'est parti, défouloir. Ladies and gentlemen. Et la légende encore rien foutu comme d'habitude. C'est normal, c'est un clochard. Ah, ça se balade, salut, c'est pas c'est van. Salut, hein. Comme moi, écoutez le polo show. Ah non, c'est le polo show, et c'est super. Chiant. Merci 01 40 71 5000, bienvenue dans le polo show, vous êtes sur Énergie. Hein. Michel à l'area. Ouais, je suis là, hashtag MichMich, j'ai bientôt mon compte certifié sur Twitter. C'est MichMich, MichMich officiel. Super, merci, c'est bon, on a rien à faire. Je vais le modifier parce que quelqu'un m'a volé mon compte. Et tu t'imagines que t'as perdu ton rôle de plus mauvais réa de la Terre? Ah non, je suis toujours le meilleur. Il y a des gens qui poussent. Hein. Ah ouais, j'ai un message pour toi, Polo. Je t'en prie. Enculé. Voilà. Je te remercie. Christophe et le tocard sont au standard. Il est là, hein, il a sa gueule de poisson pané. Regarde là, je sais pas ce qu'il fait là. Il met rien au standard, mon standard est vide, mais il fait. C'est à toi que je parle d'être de con là. C'est pas à toi, c'est toi. Ouais, je sais que tu sais, ouais. Pacos. Ça a pas marché, hein, bien sûr. Pacos. Ah non, c'est ma faute, je crois. Ah bah bravo, Pacos. Ah oui, non, bah je fais pas d'entendre. Ah bah oui, Tocard, si t'appuies sur le bouton, toi aussi, fais une formation, je sais pas. Pacos. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu vois, ça marche. Ah oui, on se doute, Thomas. C'est vrai que je suis là. Putain, on a vraiment. Tu sais quoi, je crois que j'ai envie d'arrêter là. J'ai envie de me barrer là. Ah bah, bonne nouvelle, tiens. Mec, ils m'ont saoulé là. C'est que des tocards. J'ai irrité que. Ah non, allez, le tocard n'est pas. Il est ailleurs. Je vais pas dire qui. Pacos. Ouais, Polo, je peux parler à Amina? Non, tu peux pas, dégage. Eric de Monfion. Attends, je tiens à préciser que tous les. Je veux parler à Amina. Pourquoi Amina elle est là? Est-ce qu'Amina elle est pas là? Valentine, tout ça, je vous dégage. Ouais, bah je m'en fous. Donc. Eric de Monfion, on t'écoute. Sois bon. Ah, mon petit lapin, comment t'as eu? Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas ton petit lapin, parle-moi correctement. Ça va, je vais dire, ça va. Qu'est-ce que tu veux? Arrête de parler dans ta barbe ou dans un cul, je sais pas ce que tu veux. Parle, mon fion, parle! Bon, mais ta gueule, je vais le comprendre. Eh bah, toi aussi, ferme ta gueule. Marie, on t'écoute! Oh là là, dégage. Ah ouais, mais pardon, excuse-moi, c'est un truc, ça a raccroché. Le doux magicien! Oh putain. Polo. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que t'as la grosse? La grosse quoi? La grosse quoi? C'est quoi la grosse wesh? Ça veut dire quoi? Non, la grosse des blanchettes. Mec, tu mélanges, c'est des trucs de il y a des années et tu mélanges, les gens ne savent même pas de quoi tu parles. Tu parles de la grosse qui était un personnage, c'est un mec qui se faisait appeler la grosse et les planchettes, c'est les planchettes, c'est le ouf. Mais ils sont pas, c'est pas la grosse des planchettes. Est-ce qu'elle est là? Dégage, il n'y a pas, putain, que les tocards ce soir. Putain, ah bah c'est normal, t'es là hein. Ça doit être l'espagnol qui a ramené ça. C'était pas toi l'espagnol, c'est ça? C'est les mecs de ta soirée de samedi là, tu te dis oh bah venez les gars là, on va finir la soirée dans le polo show à l'aise là. Gwenaël. Oui, dédicace à tous les chauffeurs d'XPO. C'est tout? Non, j'ai une petite blague. Vas-y. Combien mois dans l'année? Je sais pas. 10, mars, tu le manges, juin, tu le fumes. 10 parce que juin, tu le manges? Non. Non. 10 parce que mars, tu le manges. Oh là là. Juin, tu le fumes. Gwenaël. Oui. La prochaine fois, garde juste les dédicaces, en fait. Je te l'autorise. Voilà. Bah non, et vite l'humour, si, casse-toi. Baptiste, on y va, on est bon, là, on rigole, on se barre. Ouais, ça va ou quoi, Polo? Qu'est-ce que tu veux? Juste une question, t'as quel âge? Oh là là. Tu veux m'épouser? Non, pas du tout. Est-ce que tout, tu veux te marier avec moi? Non. Et qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux me présenter à tes parents? Non plus. Et alors pourquoi tu veux savoir mon âge? Je suis âgé, donc je me posais une question. J'ai 70 ans. Ah, d'accord. Voilà, okay. Tu me trouvais un petit peu. Pourquoi bon, c'est quoi ton problème? Non, y a pas de problème. Mais si, tu me trouvais un petit peu âgé, ça veut dire quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ça veut dire quoi? Michael, il a mis une photo d'un iPhone, là, je sais pas quoi, et tu étais à côté. Ouais. Et je me dis, il est vieux. Donc je me dis, qui est l'iPhone? Tu fais quoi? Qui était vieux? Mais toi! Putain, tu sais, Baptiste, je vais t'expliquer un truc, je suis une légende vivante. Tu vois? Oui, je sais ça, Polo. Ouais, tu sais, alors pourquoi tu vas nous casser les couilles, ta gueule, toi? Et toi, tu viens nous emmerder, tu viens gâcher, parce que là, le standard est en train d'exploser, hein, mais parce que l'Espagne ne sait pas s'en servir. Ça y est. Et toi, tu viens nous gâcher le truc pour rien, quoi, un truc de gonzesse, quoi. Tu veux savoir si je mets de la crème aussi? Mais non, je me coucherai moins quand. Bah, casse-toi, mais tu t'es con, tu resteras toujours aussi con. Sam le Niçois, on y va. Ouais, Polo, ça va. Tu veux, ça te regarde pas, qu'est-ce que tu veux? T'es entouré de tocards ce soir. Ouais, bah, regarde, t'es là, hein. Non. Tu vois, je peux faire une dédicace, s'il te plaît? Vas-y. à tous les routiers de la night qu'on oppose DPD et on est là les gars. Ah oui, les DPD. Allez. Bon, merci. On va pas dire ça, c'est homophobe. C'est homophobe, DPD. Mich, t'es mauvais, t'es devenu mauvais depuis. Allez, 0140-71-5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show avec Mich à l'area. Christophe et le tocard sont au standard, n'hésitez pas à appeler, on y va, Seb de Chronopost. Moi je fais le parti FIFA. Ah vas-y, vas-y, amuse-toi. Ouais, profite. Là, j'ai DPD là. Ouais. Il peut me sucer ma bite, il veut venir à Strasbourg. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive là? C'est DPD là, il s'énerve là. Mais pour qui? Il s'est pas énervé, il a juste dédicacé les mecs de DPD, qu'est-ce que tu nous emmènes? C'est pas grave, moi je dis qu'il peut me sucer ma bite, moi je vais être Chronopost Strasbourg, tu vois. D'accord. Au passage, s'il a envie. D'accord, bah écoute, vous faites ce que vous voulez. Celle de Chronopost, après vous plaignez pas que les mecs critiquent les routiers, hein, parce que là tu veux te faire sucer la bite. Les bâchés aussi, je les emmerde. Un petit message. Vas-y. C'est pour Claude là, du DLA, là, qui galère lui aussi là. Ouais. D'accord, ok. Rick de Montfion, t'écoute, on y va là. Oui, Wolfric, il est pas là. Non, il est pas là, non. Oh merde, mais le premier resto, le petit pilote. Ah bon? Ouais, comment ça se fait que ça fait longtemps que t'es pas venu, mon fion? Qu'est-ce qui se passe? T'es énervé? Non, mon téléphone il est pété et bientôt je ne pourrai plus parler. Comment ça? Parce qu'il m'énerve de plus en plus. Tu peux pas en acheter un autre? Bah non. Mais même un truc basique? Bah j'ai essayé basique le mien, mais il vaut 100 euros. Bah attends, t'as un bus, t'as les bics là. Les bics des. Ah oui, mais ils sont pas. Ouais, mais ils parlent pas. Ils peuvent Ah ouais, c'est vrai, toi il te faut un truc un peu, un système un peu. Y'a personne là, qui peut aider mon fion là? Que j'appelle les auditeurs là, à la Montfion soutien. Soutenez Montfion, est-ce que vous pouvez lui envoyer un téléphone? Pas neuf, hein, un truc gratos, hein, bien sûr. Nokia Navigator 1110. Voilà, non mais je vais expliquer pourquoi, parce que Eric de Montfion est non-voyant ou malvoyant. Il faut qu'il soit parlant, le mien. Voilà, il faut qu'il soit parlant pour qu'il puisse téléphoner. Bon, Eric, reste de côté, on va voir si quelqu'un peut t'aider. Bubui. Oui, c'est bon, c'est quoi, tu t'appelles comment? Bubu. Alors, l'autre, il rajoute des i. N'hésite pas à l'espagnol, hein. Ah, Bubu. Ouais, bah, je suis au téléphone. Il faut qu'ils arrêtent de boire, là, au standard. C'est pas possible, ça. Toi aussi, il faut que t'arrêtes, hein, parce qu'apparemment, vous êtes dans le même club. Ouais, hein. Ouais, mais Chronopost, là, il parlait tout à l'heure, là. Mais il faut qu'il rentre chez lui, il roule du papier, ce gros con, là. Il faut qu'il apprend à rouler. Hein. Et puis, les frigos, c'est les meilleurs. Et puis les bochers là, on vous entend plus. Ok, on les entend plus, les bochers, ils sont. Ouais, ouais, super, la bouliche. La bouliche. Bouliche, boubou. Bouliche. La bouliche. La bouliche. J'ai l'impression d'être ouf, vous savez, d'avoir un toc. La bouliche. Bon, Eric de Montfion. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ben rien. Eh ben alors casse-toi. Thomas, on t'écoute. Ouais, bien, Polo. Qu'est-ce que tu veux? Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te demander. Tu veux savoir mon âge? Ça te regarde pas? J'ai 25 ans. Parce que... Dégage. Renaud, conclusion, on se barre. Ouais, bah c'était pour faire une petite dédicace. Vas-y. Une dédicace à mon pote Kevin. Super. La bouliche. La bouliche. Bon, dégage. Eric de Montfion, conclusion, on se barre. Ouais, ben bah, écoutez, bonne soirée. Et puis j'espère que je prendrai une bonne clé en plus. Pour ça, enfin, je te fais du bien. J'adore ça. Merci Eric de Montfion, ainsi se termine le Polo Show. Générique, bonne. Ah merde, je me suis trompé le bouton, et donc. Ah merde, ça redémarre. Attends. Ah voilà. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, taf te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle. T'encules comme toi. Toi l'enculé. Car c'est toi qu'encule ton oncle, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi j'accumule mon couteau sur le cul de ta mère qui te pue. Quel cauchemar! Que veux-tu? Ils sont canadiens! Je vais niquer ta grosse gueule de bâtard. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de mer, toi l'enculé. Tu bouffes tes bites, t'as te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Bah voilà, mais tu devrais chanter, Amina. Tu chantes, mais le micro éteint, c'est dommage. Non, je chante en playback, je ne peux pas dire de gros mots. En playback, putain, qu'est-ce qu'il faut entendre? Tu peux pas dire sous ma bite. Oh là là là. Bon, allez, restez là, 3h01 du mat, on est là jusqu'à 4h avec leur sup. Maintenant, on aura le son de Shakira tout à l'heure aussi. Et puis, on va se faire Major Lazer et Justin Bieber tout de suite sur Énergie. Everybody gets high.